Vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Toutes les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. Moi, personnellement, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré. Que Dieu tue les Blancs! Que Dieu vous tue! Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cet nouvel épisode de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 25. De notre émission. Alors, je fais des rappels coutumiers. Je vous invite à nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, @mail.ru. J'invite d'ailleurs ceux qui veulent participer au site internet à candidater. Hein. Je l'ai déjà fait à deux reprises. Je réponds aux mails qui me sont envoyés. Ça prend un peu de temps, mais j'y réponds. Donc, je répète, démocratie participative en un seul mot, @mail.ru. Suivez-nous sur notre page Facebook. Allez sur Facebook, prenez juste le temps de liker la page, comme ça, ça vous permet ensuite de suivre un petit peu ce qui se dit ou ce qui se fait. Vous pouvez aussi aimer la chaîne YouTube, vous recevez les alertes des nouvelles émissions, c'est juste un court extrait, mais ça vous permet d'être tenu au courant de cette parution. J'aimerais, et on aimerait évidemment mettre les émissions en entier, mais comme vous le savez, on a été censuré par le passé, donc ça sert à rien d'insister. C'est vrai que c'est un regret, on avait quand même déjà atteint à l'époque pratiquement les 15 000 vues sur YouTube, mais bon. Hein, on fait avec ce qu'on peut. Et notre site internet, hein, démocratieparticipative.biz, B-I-Z, avec des articles régulièrement publiés. Le site progresse bien, je tiens à le signaler. On progresse très bien, on est sur une progression nette depuis sa création. Alors, je vais présenter les membres. Les membres de cette semaine, Frédéric Danlévier nous a fait plaisir de participer. Il a lâché un petit peu le banc, hein. il a lâché un petit peu la fonte et il sera avec nous aujourd'hui. Salut Fred. Oui, bonjour à tous, bonjour au public et aux autres participants. Ben, ma foi, on a des choses à fêter aujourd'hui, donc je voulais être de la fête, je tenais à être là. Donc content d'être parmi vous et ça va très bien se passer. Tu voulais fêter quelque chose en particulier ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, je sais pas, des personnages fameux qui nous quittent, donc on pourra en discuter, je pense. Effectivement. Derek, salut Derek, comment vas-tu ? Ah ben écoute, ouais, c'est... Alors ça va, mais je suis triste, effectivement, comme Frédéric. Le deuil national, international, intergalactique me pèse. Et voilà, je serai, ma foi, très peiné aujourd'hui. Tu parles de Simone Veil, donc, hein. Tu parles de Simone Veil. Hein. J'ai cru comprendre que... Tu parles, oui, de la malgré sainte, l'affliction, malgré de l'affliction... De sainte Simone, oui, tout à fait. Simone Veil, de son vrai nom, Simone Jacob, ouais, il faut le savoir. D'accord, ça promet. Poporovitch, salut Poporovitch, aussi probablement éploré, je crois. Ouais, effectivement, shalom alaikum à tous. Bah oui, je suis dans le deuil, voilà, c'est terrible. Grande perte pour l'humanité. Oui, pour les élus, quoi, hein. Oui, pour les vrais hommes. Oui, c'est ça, oui. Fulbert, comment vas-tu, Fulbert ? Oh, Fulbert va mal, évidemment. Comme vous tous, d'ailleurs, ça vient d'être exposé. Fulbert va très mal. Au fait, si le son n'est pas bon, c'est pas mon micro, c'est parce que je sanglote. Ah, on a pris note. Et MacDav aussi, qui est avec nous, qui doit aussi tout... Oui, tu es triste, hein, MacDav aussi. Non, on n'a pas rien à foutre. En voiture, Simone, c'est parti. Ah, voilà, bah, et voilà. C'est... Les troubles faits. Ça me surprend pas. Alors, avant d'entamer notre émission, qu'on parle par la première rubrique, je vais d'abord faire un petit débrief suite à l'émission précédente. Alors, on a reçu un commentaire qui est intéressant. Vous savez, c'était relatif aux bouches d'égout qui étaient... aux bouches d'incendie. Mais pourquoi bouches d'égout ? Non, mais ça, c'est je fais l'association avec les Maghrébins, c'est pour ça. Les bouches d'incendie qui étaient ouvertes de manière intempestive par nos amis de la diversité. Et en fait, ce commentaire, je l'ai trouvé assez informatif. Et je vous le livre. Pour avoir travaillé à la compagnie des eaux de mon département, je sais qu'il existe des vannes de sectionnement qui permettent d'isoler un secteur en laissant les autres actifs. Les autres secteurs. Vous vous doutez bien que pour remplacer une bouche à eau appelée aussi poteau d'incendie, on ne vide pas le château d'eau. Ces vannes sont accessibles au personnel habilité sous la responsabilité de la mairie qui peut à tout moment ordonner leur fermeture, ce qui démontre dans le cas présent que les mairies ont volontairement laissé faire et ont même interdit la fermeture des secteurs en cause que l'on nous prend pour des cons. Ne m'étonnerait pas plus que ça, donc à la faveur de cette histoire de bouche d'incendie. J'ignorais totalement que ça existait, ça. En même temps, ça me surprend pas spécialement. Effectivement, c'est vrai que contrôler un réseau d'eau ne me paraît assez logique, mais c'est une information qui met un peu plus en relief ces scènes de nègres sortant les piscines gonflables, se battant entre eux. Ouais, c'est... Quelqu'un veut... C'est-à-dire que la France a décidé de fournir un pass. Parc aquatique gratuit pour tous les nègres et les bougnoules de l'Île-de-France, en fait. C'est ça le... Il n'y a pas que l'Île-de-France, mais ouais. Et sinon, pour comparer, c'est combien le montant des campagnes de pub pour t'expliquer qu'il faut fermer l'eau du robinet quand tu te brosses les dents ? Alors ça, c'est une bonne question, j'ignore. J'aimerais poser aussi la question pendant que tu y es. De savoir quelles sont les peines d'amende prévues pour les agriculteurs ou les particuliers qui utiliseraient un petit peu trop d'eau en période de canicule. Je me pose la question. Ah, mais il y aurait un truc à faire là avec ces histoires. C'est, bon, parce que là, on les voit ils se foutent carrément dans le caniveau, le nègre. Donc c'est bien, mais il y a le stade au-dessus, c'est de se foutre dans les égouts. Parce que là, tu as quand même plus de flotte. Et puis bon, tu pars direct à la mer ou au broyeur. Quoi, donc c'est. Ça peut être plus sympa, il faudrait faire des sites, tu vois, de kémites, tu vois, de braves kémites qui évoluent en milieu subaquatique. En même temps, il y a des rats aussi dans les égouts, donc ça, c'est thématique. Ah oui, mais ça entend très bien avec les Algériens, hein, nos amis noirs. Et moi, j'ai une femme qui m'a écrit récemment pour une autre question. Elle m'expliquait qu'en bas de son HLM, il y avait la bouche d'égout était ouverte une semaine après avoir été ruinée par les bougnoules. Et ça continuait à pisser de partout. Enfin, c'était juste apocalyptique, quoi. C'est parce que c'est ensuite, comme elle était responsable, je crois, je sais plus de quoi, une copropriété, quelque chose comme ça. Enfin, les gens venaient la voir elle pour se plaindre, voire la menacer, alors qu'elle y est pour rien, quoi. C'est juste les bougnoules dans la rue qui foutent la zone, quoi. Avec aucune réaction de la municipalité, évidemment. Bon, on en a parlé dans la dernière mission, on va pas en reparler maintenant, mais bon, j'ai trouvé cette information. J'ignorais que ça existait vraiment, et du coup, voilà, on laisse les bougnoules... Ah bah il faut leur fournir des activités à faire pendant l'été, quoi. Il faut qu'ils se divertissent, voilà, il faut s'en occuper. Je veux dire, on est quand même... La France est quand même un élevage de bougnoules géants, un bougnoules et nègres, hein, donc il faut leur trouver des choses à faire, quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Moi, alors, rubrique... C'est intéressant, ouais. Gandalf, parce que ça veut dire qu'en fait, tu pourrais les laisser crever de soif, quoi. Bon, en y réfléchissant un peu, si tu leur coupes l'électricité, le gaz, l'eau, le chauffage, tu pourrais éviter de les faire se reproduire comme des lapins. Bah, tu sais, si tu n'alimentes plus les super-rues dans ces quartiers pourris, tu sais que ça va très très vite. Hein. Et bon, après, si tu leur offres un billet direct pour Alger, ils prennent le billet. Hein. Quand ils sont chez eux, même en Somalie et compagnie, ça les empêche pas de faire neuf gosses. Hein. Attention, c'est vrai. Vous sous-estimez grandement leur aptitude au cannibalisme. Ils peuvent tenir des semaines. Oui, surtout la viande des autres. C'est-à-dire des blancs, par exemple. Oh, des blancs, des chiens, des chats, des animaux des égouts, enfin, je veux dire, tout y passe, hein, y a pas de problème. C'est très adaptable, hein, les parasites comme ça, ils ont l'habitude de s'adapter à toutes circonstances. Est-ce qu'aux États-Unis, parce que ça s'appelait le street pooling, est-ce qu'aux États-Unis, je pense que oui, hein, les nègres, c'est dans la culture nègre là, de faire péter les bouches d'incendie pour se... Oui, c'est vrai que j'en avais entendu parler il y a déjà un petit moment, mais bon, ça ne fait pas l'actualité, donc peut-être qu'ils passent ça sous silence, hein, si ça se trouve, c'est aussi mauvais, enfin, dans certains quartiers, etc. Mais je pense quand même, à moins que ça soit des municipalités carrément dirigées par des nègres, hein, ce qui existe, hein, il y a des villes vraiment complètement colonisées, mais du bas jusqu'en haut. Mais en général, je pense qu'effectivement, on utilise ces, ces systèmes de fermeture, de cloisonnement, de secteurs, ouais, etc. Donc en gros, ils défoncent une bouche à incendie et on leur dit non, mais c'est fini les gars, rentrez chez vous, quoi. Et ah ouais, en France, on, voilà, on est plus sympathique, c'est plus ludique, on laisse plus jouer, quoi, voilà. D'accord, ouais, parce que là, ça s'est quand même passé à l'échelle de la France entière, hein. C'était quand même assez intéressant. Bah, ouais, si, tu sais pas, si tu arrêtes de faire la bouche à incendie pour qu'ils fassent leur jeu d'eau, peut-être qu'après ils vont s'énerver, ils vont aller dans une synagogue, ils vont tuer des gens, quoi, tu vois, c'est les Algériens, on sait pas, quoi. C'est possible. Rubrique numéro 1, les amis, autisme radical, et on commence avec le premier sujet. Alors, on rompt un peu avec les sujets d'habitude, enfin en règle générale, qui sont abordés ici. Une bactérie d'origine fécale trouvée dans les glaçons de Starbucks, Café Nero et Costa. Alors, vous allez voir en fait que j'ai de la suite dans les idées. Mais je vous lis l'article, hein, c'est passé dans 20 minutes. Publié ce mercredi, une enquête de la BBC révèle que les boissons fraîches de trois des plus grands distributeurs de café contiennent de drôles de glaçons. Ainsi, la glace ajoutée pour rafraîchir les smoothies, milkshakes et autres délices sucrés de chez Costa, Starbucks et Café Nero contient une bactérie issue de matière fécale. Sur 10 échantillons de glaçons prélevés chez Starbucks et Café Nero, 3 contiennent une bactérie trouvée dans les excréments. Donc, bon, pardonnez-moi d'être vulgaire, mais dans la merde humaine, hein. Ce chiffre s'élève à 7 sur 10 chez Costa Coffee. Interrogé par la BBC, le docteur Lewis de l'Institut pour la Santé Environnementale a déclaré que ces bactéries étaient porteuses de maladies opportunistes dues à des germes habituellement inoffensifs mais susceptibles de nuire aux personnes dont le système immunitaire est affaibli. Alors en fait, pourquoi j'ai trouvé ça intéressant, enfin, je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. C'est en fait ces grandes chaînes, c'est pas juste les chaînes de boissons, quoi, mais ces grandes chaînes, pour moi, c'est quand même un petit peu un marqueur de la décadence, quand même. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai mon avis là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus ? C'est une planque, en tout cas aux États-Unis, c'est des planques à hipsters, gauchistes, etc. Donc effectivement, oui, s'ils boivent littéralement de la merde, bah oui, peut-être qu'il va y avoir un effet eugénique, peut-être à terme, je ne sais pas. C'est, ça peut être intéressant. Ah ouais, il y a un truc qui... C'est une bonne chose, que Starbucks. Derrick, ouais, Derrick, c'est pas la chaîne qui voulait embaucher 2500 migrants, non, c'est pas ça ? Si. Voilà. Ouais, et puis je crois que même que le patron de Starbucks a été viré parce qu'il il avait proposé des trucs totalement délirants à gauche, quoi. Le type était Donc en fait, ils embauchent des migrants pour des migrants, ouais, c'est pour chier dans les glaçons, en fait, c'est ça le projet. Bah non, mais avec des mains propres. Oui, ouais, bah surtout la main gauche, hein, en islam, hein, la main gauche, hein, pour ceux qui connaissent le sujet. Bon, ouais, l'islam est très spécifique. Alors, la main gauche, c'est le papier cul, effectivement, dans l'islam. Puisqu'on en est à parler des 2500 migrants que voulait... Ah, c'était 2500 en Europe, mais c'était mondial, hein, ce que voulait faire Starbucks. C'est le directeur, donc le CEO, quoi, le directeur de l'entreprise qui a eu cette idée. Il s'appelle Howard Schultz. Et Howard Schultz, c'est un milliardaire qui a eu cette idée de génie, quoi, pour promouvoir l'inclusion des migrants. Et bon, alors, ça n'a aucun rapport, mais il est d'origine juive. Ça n'a aucun rapport. Strictement. Donc, dans ce grand projet là d'intégration des migrants mondialement par Starbucks, il y a une éthique, hein, on retrouve une éthique. Bon. Une coïncidence. Le Tikkun Olam en action. Voilà, c'est bon. Voilà. Sinon sur ces grandes chaînes qui connaissent un succès de plus en plus grand, surtout en France, j'avais été choqué de voir ça en Alsace, je crois. L'ouverture d'un Starbucks, je crois que c'était à Strasbourg, ou il me semble que c'était à Strasbourg. Il y avait une queue, mais qui traversait une place gigantesque. Il y avait une queue énorme de gens qui, pour aller boire un Starbucks. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu un Starbucks. Ouais, surtout qu'en France, on a quand même des vrais cafés, quoi. Donc je vois pas l'intérêt. Enfin, moi, bon, j'ai jamais foutu les pieds dans ces trucs-là, quoi. Mais on a des vrais cafés, mais le café est dégueulasse. Bah non, mais enfin, ouais, oui. Ça dépend où tu vas, quoi. Ça dépend où tu vas, quoi, effectivement. T'as des coins où t'as des bons cafés, même. En France, on fait un expresso, quoi. On se fait pas du café comme ça, là, du machin dilué qui, Ça n'a aucun sens. Pas du café, hein, c'est des trucs de sucré en poudre. En fait, c'est du cappuccino industriel que tu achètes au supermarché, sauf qu'ils te le vendent. Enfin, c'est hors de prix. Hein. Oui, Starbucks, c'est le coup de fusil en plus. Ouais, non, mais en fait, je crois qu'il y a ça qu'à Paris, c'est un truc de bobo. En fait. C'est un truc de bobo. Non, il n'y a pas que ça qu'à Paris. Je crois qu'il y en a un à Nice, je sais qu'il y en a un à Monaco, ça c'est sûr. Peut-être, je ne sais pas s'il y en a mis un à Marseille encore, mais. Non, mais ça arrive quoi. Non, à part Paris, il y en a plusieurs dizaines. Hein. Enfin, il y en a peu partout. Mais... Ah ouais, oui, non, mais c'est un truc qui se développe énormément. Ouais, non, mais. C'est la mode du café que tu bois en fait dans les transports en commun. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu et qui apparaît depuis quelques années, tu vois. Les pétasses. Oui, c'est vraiment un phénomène de signalement, enfin ce qu'on appelle en anglais le signaling, tu vois, c'est-à-dire de signaler que tu, voilà, par ton statut social, etc., tu te payes ton Starbucks. C'est vraiment quelque chose que tu cherches plus que consommer réellement le café. Tu cherches juste à afficher qu'en fait, tu peux te permettre d'aller te payer ton café chez Starbucks et tu te la pètes avec ton petit machin de marque, etc. Et c'est vrai que c'est typiquement un truc de gauchias, bobo, enfin c'est... Les gens que tu vois, alors je sais pas en France où ça en est, parce qu'effectivement il y en a encore à mon avis relativement peu par rapport aux États-Unis. Mais aux États-Unis, les Starbucks, c'est vraiment des repères de gens bizarres, quoi. C'est-à-dire t'as des femmes à barbe, des hipsters gauchistes habillés n'importe comment, des trans, tout ce que tu veux, quoi. Et même au niveau du personnel, c'est-à-dire les gens, Starbucks a depuis longtemps une politique préférentielle pour embaucher des PD, des tarés de toute espèce, piercing, n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment un repère de gens bizarres, hein, ici. Ouais, mais c'est bien symbolique, ça, de... Bah, de... Ouais, du projet Soros, hein. Je crois qu'on voit ce que ça donne. C'est-à-dire, si vous venez aux États-Unis, que vous baladez dans un Starbucks, vous voyez vraiment... Enfin, il y a un public très, très particulier, ouais. En effet. Alors, bon, ça c'était juste pour parler un petit peu de manière un peu rigolote de ce phénomène-là, le phénomène Starbucks. Mais vous pourrez vous rassurer, vous faire plaisir en vous disant que bon bah ils boivent de la merde. Oui. N'est-ce pas ? C'est le petit truc sympathique quoi. Alors sujet numéro 2, chers amis. Alors là c'est l'épisode répression. Impitoyable du système pénitentiaire français. Système pénitentiaire qu'on peut le dire, hein, le monde entier en vit à la France, je crois qu'on peut le dire. Ah, je crois que là on est dans le top, oui, tout le monde en veut quoi. Donc sujet numéro 2, chers amis, on va parler de la répression impitoyable du système pénitentiaire français. Système pénitentiaire qui est envié de par le monde à la France. Et c'était dans le actu17.fr, hein, le site qui le relayait, je crois que c'était dans le Midi Libre. Non, Sud-Ouest. Autant pour moi, le journal Sud-Ouest. Alors je vous livre l'histoire. Hein. Mardi matin, un détenu a profité d'une activité en plein air au parc Laurence pour s'enfuir, relate Sud-Ouest. Sa cavale a pris fin mercredi à Orléans. Mardi matin, un détenu a profité d'une activité en plein air, donc au parc Laurence, comme je l'ai dit, pour s'enfuir. La ficelle était grosse, mais jouable. La preuve, un détenu de 28 ans de la maison d'arrêt de Pau a prétexté une envie pressante pour s'enfuir. La sortie Acrobranche, encadrée par les agents de services pénitentiaires d'insertion et de probation, le SPIP, au parc Laurence, a été prématurément interrompue. L'homme a trompé la vigilance de ses gardiens et de ses 3 codétenus pour prendre la poudre d'escampette depuis les toilettes publiques. Donc en fait, ils avaient envoyé tous les tolards en excursion Acrobranche. Alors c'est quoi Acrobranche? Moi je trouve ça génial quoi. C'est vraiment typiquement français, c'est le nom qui veut tout dire. Tu as la sortie Acrobranche, t'as l'impression d'un truc pour gamin de 6-7 ans quoi. Voilà, on va faire une sortie Acrobranche. Sauf qu'en fait c'est pour les prisonniers. Donc il y a des gens qui payent des systèmes de gestion de prison pour faire des sorties Acrobranche quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils les réadaptent à leur environnement d'origine quoi. Oui, il y a peut-être un petit peu de ça. Mais pourquoi pas, je veux dire, Acrobranche, pourquoi pas le Futuroscope, Disneyland, enfin, on peut tout imaginer, hein, maintenant. les prisons françaises, je veux dire, c'est vraiment le goulag, quoi. C'est, hein. Non, mais je pense qu'on va arriver à ce que ils fassent des. Ils entraînent les prisonniers au tir, quoi. Tu vois, surtout les islamistes, ça serait encore mieux. Quoi. Bah, on avait eu avec les islamistes, il y avait eu les. Ils ont fermé ça d'ailleurs depuis parce qu'ils se sont, enfin, les gens se sont trop foutus de leur gueule. Mais les socialistes avaient eu l'idée brillante de mettre les gars dans des hôtels 4 étoiles pratiquement. Enfin, en réalité c'était à peu près 2 étoiles. Ah oui, l'autre là, la mal coiffée, l'espèce d'arabe là, la gonzesse qui était partie avec des millions d'euros. Oui. Bounia Bouzard, c'était une arabe, quoi, hein. C'est pas ça. C'était une arabe qui gérait le programme. Et comment dirais-je, alors il y avait du yoga, il y avait les PlayStation évidemment, il y avait tout le topo. Ultime proposition récréative, le fait de caresser des hamsters. Vous vous rappelez de ça, on en a parlé On caressait des hamsters pour apprendre, je sais plus comment ils disaient, à gérer son stress et apprendre à recréer un lien social ou un truc comme ça. Accrochez-vous, c'était pas avec des tolards basiques, c'était avec des djihadistes. Ouais, c'est-à-dire des mecs qui étaient allés en Syrie, qu'ils avaient rattrapé. Ouais. Donc c'est des mecs qui découpaient les têtes des gens, qui les mettaient à l'arrière du 4x4, tu vois, pour faire du pick-up, voilà. Ouais, pour faire de la musique, quoi, tu vois, derrière, ça les faisait marrer. Non, c'est bien. Ouais, voilà. On fait caresser des hamsters. Ouais, avec des hamsters, pas avec des petits cochons. Des petits cochons roses bien mignons. Ah bah non, c'est pas. Ouais, c'est haram. Hein. Il l'avait fait. Et bah, c'est un petit peu dans la. Je vais pas dire dans la continuité, parce que probablement ce genre de truc existe depuis. Je sais pas combien d'années, quoi. Depuis un moment, probablement. Mais voilà, quoi. Hein, c'est. Acrobranche. Et je présume d'ailleurs que. Immédiatement immergé dans son milieu naturel, le détenu, qui n'est peut-être pas nécessairement un Africain, je ne sais pas, mais bon, qui peut être un Africain, ouais, c'est peut-être... Là, t'as 9 chances sur 10. Hein. Ah ouais, je crois ça, que... Ça sent le maghrébin, quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Mais le contact avec la nature, et surtout avec les branches, il se sentait plus. Il s'est dit, c'est bon, je suis libéré, je vais au chiottes, j'ouvre une fenêtre et je me lâche, quoi, tu vois. Après, il a été récupéré à Orléans. Bon, il était à Pau au départ. Ouais, il est remonté vers le nord, tu vois, c'est bizarre. Je pense que tu le fais renouer avec son environnement naturel. Bah bon, là, c'est la forêt méditerranéenne, hein. C'est pas la forêt africaine. Il remonte vers le nord. Il y a un truc... Il était désorienté, le pauvre. Enfin, il a fait vite, hein, pour remonter à Orléans. Bref, le système pénitentiaire français qui, alors du coup, est très dissuasif, en fait, je crois qu'on peut le dire. Les citoyens français qui paient leurs impôts peuvent dormir tranquillement chez eux. Ah bah, c'est sûr que t'as pas envie de faire de la prison quand tu sais que tu veux faire des sorties acrobranches, quoi. Je veux dire, t'as peur. Surtout que quand après, quand tu rentres en tôle, il y a les séances de torture à coups de shit. Et de PlayStation, ça doit être terrible. J'ose même pas imaginer, quoi. Ah, c'est pas la prison de Bachar al-Assad, hein. Non, non, mais ils font quoi, en fait, les mecs dans les prisons françaises? Ils font de la muscu. Ils jouent à la PlayStation et ils fument des pétards. Voilà, c'est la prison française. Non, en fait, non. Les mecs, ils font exactement ce qu'ils font dans les cités. Sauf que, là, en fait, ils sont... l'État français leur fournit tout le matériel. Et vu que c'est trop compliqué, on va leur faire une petite sortie comme en colonie de vacances. On va faire une sortie acrobranche. Alors là, aujourd'hui, t'imagines, ils doivent te mettre un putain d'animateur social à la con. Comme ils appellent ça, là, le personnel, je crois, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Alors, j'imagine pas les mecs qui mettent là-dedans. Hein. Bah ça doit être directement issu du NPA, du Parti communiste et compagnie. C'est vrai que t'arrives justement avec, des Laurent Fournier, tu sais, encarté NPA, tu vois. Ah, mon dieu. Ouais, Porovitch, tu voulais prendre la parole. Non, pas du tout. Ah non, j'avais cru comprendre que quelqu'un voulait prendre la parole, j'avais cru... en tout cas, ce sera dissuasif. Avis aux djihadistes et autres égorgeurs, braqueurs de banque, vous savez ce qui vous attend, hein. Donc... faites attention. Sujet numéro 3, très drôle aussi ce sujet numéro 3, beaucoup plus drôle en fait même, je crois. Poursuivi pour viol, l'avocat Sidney Amiel, donc l'avocat qui est poursuivi, enfin il est avocat de profession, plaide le complot antisémite. Ça, c'est un nouveau type de défense, très efficace, je dois le dire. Un complot voici l'histoire. Qui dure depuis bientôt 2000 ans. Hein. 4000. 4000, 6000. 4000 ans. Alors, Sidney Amiel. Les noms, c'est improbable, quoi. Sidney Amiel. Bon, bref, je vais pas m'épanouir là-dessus. M'épancher là-dessus. Sidney Amiel, ancien avocat chartrain, donc de Chartres, jugé pour viol et agression sexuelle, se dit victime d'un complot antisémite. Un nouveau témoin est venu accréditer cette thèse ce mercredi 21 juin à la barre de la cour d'assises à Versailles. Donc il y a un nouveau témoin qui peut prouver que c'est antisémite. C'est l'un des éléments de défense de Sidney Amiel devant la cour d'assises des Yvelines. L'ancien avocat de Chartres, accusé de viol, affiche le soutien de la communauté juive de Chartres. Plusieurs membres d'une association qu'il a créée il y a une trentaine d'années sont venus témoigner en sa faveur et ont défendu l'idée d'un complot antisémite sans prononcer le mot. Ils ont parlé de cabale et de manipulation. C'est étonnant, ça parlait de cabale. Bon, bref. Un nouveau témoin est venu... Oui, voilà, l'article poursuit. Citant un des témoins. « J'ai entendu parler de Sidney Amiel en 1982. » À cette époque, une croix de David a été gravée sur sa plaque d'avocat. Je l'ai connu personnellement quelques années plus tard. Il est devenu notre meilleur ami à moi et à mon épouse. L'homme manifeste son étonnement au regard des accusations qui planent au-dessus de la tête de son ami. Nous avons fait de nombreuses fêtes ensemble, en famille ou au sein de la communauté juive. Nous sommes partis ensemble, il a toujours été respectueux avec les femmes, même si parfois il faisait des blagues un peu lourdes. Concède donc le témoin. Il continue et exprime une conviction. Il y a un climat antisémite à Chartres. Je suis persuadé que ce dossier est une affaire de jalousie. Il détaille un élément qui, selon lui, accréditerait la thèse d'un antisémitisme qui serait l'une des composantes du dossier. Sidney Amiel a été interpellé un jour de Kippour. Ça ne peut pas être un hasard. C'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est la police qui est antisémite, je sais pas. Bah, c'est... Oui, la police fait partie du grand complot, hein, c'est normal. Bon. Il détaille un élément... Oui, voilà, ça j'ai cité. Une affirmation qui fait sortir Maître Xavier Toré, l'avocat de la belle-fille de l'ex-avocat de Ségon, donc un avocat de la victime, quoi. Vous croyez que les policiers ont regardé le calendrier des fêtes juives avant d'interpeller Sidney Amiel ? Quant à l'attitude tactile de l'accusé, elle a été décrite de la même façon par le témoin, par son épouse et par leur fille. Il est méditerranéen, il est tactile. Une nouvelle fois, Maître Xavier Toré réagit. Vous ne trouvez pas que c'est un raccourci un peu facile ? Donc en gros, l'excuse des juifs qu'il avait fait convoquer, là, le Sidney, c'était de dire, ouais, bon, bah, c'est un méditerranéen, il aime bien toucher les gens, quoi. Tu vois, il aime bien toucher les filles, il aime bien toucher les culs, tu vois, en gros. Quant à j'ai encore cité, bon, pardonnez-moi. Toute la journée de ce jeudi 22 juin est consacrée aux plaidoiries des avocats des victimes et de celui de la défense après les réquisitions de l'avocat général. Le verdict est attendu le 23 juin. Donc ça a un petit peu plus d'une semaine. Je ne connais malheureusement pas le verdict, j'aimerais vous le communiquer ultérieurement. Mais qui veut réagir sur ce complot antisémite pour se défendre un petit peu du fait qu'on touche un peu le cul des filles qui vont et viennent, quoi, hein. Alors, bon, il y a déjà ça, le fait de toucher le cul des filles. Effectivement, le Amiel, là, il ferait très. Je pense qu'il est. Je sais pas, hein, j'imagine sa gueule, mais ça doit. Tu prends n'importe quelle caricature du Der Stroumer de l'époque, ça doit correspondre. Quoi. Et oui, tous les juifs de la ville, c'est quoi, c'est Chartres ? Tous les juifs. Bah, alors, juifs en fait, on ne sait pas exactement. L'article dit que toute la communauté juive de Chartres soutient le mec en question. Ça, c'est ce dit l'article. C'est alors on a les Algériens, c'est mon fils, il a rien fait, mais les Juifs, c'est le Juif, il a rien fait. Quoi qu'il arrive, le Juif est innocent de toute manière. Hein. Comme dit Henri de Lesquen, est-ce que ces Juifs-là rejettent le Talmud qui tient les non-Juifs pour des bêtes ? Je pense pas. Hein. Ah, moi, j'ai un soupçon déjà. Hein. Je voudrais vous poser la question parce que je n'ai pas la réponse. Est-ce que Dominique Strauss-Kahn est originaire de Chartres? Non, je crois pas. Ah, parce que nous aussi, on l'a accusé de... Hein, n'est-ce pas, avec une négresse nommée Nafissa Tou, je ne sais Diallo. Comment. Là. Diallo, ouais. Bah ouais, c'était encore un complot antisémite de la justice. C'est un complot antisémite. Ah, donc, ah il, oui, a... voilà, ouais. Donc là, j'apprends qu'il a été condamné finalement à 10 ans de prison. C'est... 10 ans de prison, voilà. Sidney Amiel, donc l'avocat Sidney Amiel, a été condamné à 10 ans de prison pour agression sexuelle sur une femme qui d'ailleurs est de la communauté juive. Hein. Et qui était sa belle-fille, donc oui, ils sont très travaillés par les histoires hein, Il se passe des choses, il se passe des choses. C'est des affaires, non certains philosophes, c'est pas français, a bien remarqué ça. Ou des historiens, bon, oui, certaines personnes, non, oui. Non, mais enfin, bon, voilà, enfin... Non, mais le truc dans l'histoire, c'est quand même stupéfiant, le culot de ce Sidney Amiel... La route, c'est pas... Non mais là, non mais en plus c'est entre eux. C'est-à-dire que c'est ça en fait, la victime est juive et le type va récupérer des bonhommes dans sa communauté en disant oui mais en 1982. Oui, je le connais très bien, voilà. On a fait plein de fêtes dans la communauté juive et puis il est venu me voir chez ma famille en Netanya, en Israël, Shabbat Shalom et compagnie. Non, mais ils se voient ces gens. Oui, effectivement, ils ne se voient pas. Hein, parce que de l'extérieur, je peux vous garantir que là, pour faire de l'antisémitisme, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Continuer c'est... comme ça, voilà. C'est... Après, est-ce que... Ouais, il ne faudra pas s'étonner après que déjà on remette en cause certains événements qui... Rubrique numéro 2, chers amis, résistance à l'Empire. Hein? Alors quand je dis résistance à l'Empire, vous pensez bien évidemment à l'Iran, si vous êtes un soralien, mais vous pouvez aussi penser à la Russie éventuellement. Alors là, j'ai une histoire pour vous qui va vous convaincre qu'effectivement, tout espoir n'est pas perdu. C'est passé dans la rue, c'est passé sur un site internet qui passe en revue les histoires, comment dire, les histoires criminelles qui se passent en Russie. Et je vous la livre telle qu'elle est narrée dans cet article. Le tribunal de Babouchkinski, alors je ne suis pas russophone, donc vous me pardonnerez mon accent et ma prononciation, a condamné le chef du groupuscule informel Restruct, Maxime Martsinkevitch, alias Tezak, a 10 ans de camp en régime sévère mardi 27 juin. 10 ans de camp en régime sévère. Il est à noter que le parquet a demandé 11 ans et demi de prison au titre de l'article 282 du Code pénal, incitation à la haine ou à l'hostilité nationale. Ceci s'explique par le livre autobiographique Restruct, qui a été reconnu en 2014 comme extrémiste par une décision du tribunal de Tchertanovski à Moscou. Les autres accusés de l'affaire, ainsi que les membres du groupuscule, donc, qui s'appelle donc Restruct, ont été condamnés au titre de l'article 161, vol à main armée, de l'article 167, destruction délibérée ou atteinte à la propriété, de l'article 214, hooliganisme, de l'article 161, vol, de l'article 111, coups et blessures avec intention de donner la mort, du code pénal de la Fédération de Russie. Selon l'enquête, durant la période 2013-2014, les accusés ont commis au moins 9 attaques contre des vendeurs de drogue prohibés. Oh, les enculés! Ah, c'est des salauds. Hein. Allez, ah ouais, non, c'est de la... Non, ceux-là, faut les mettre... Bah oui, bah, ils vont au goulag, donc c'est... Ils vont au goulag. La justice, effectivement, résistance à l'Empire, la justice avec Vladimir Poutine, etc. Voilà. Comme évoqué lors du procès, les accusés se faisaient passer pour des acheteurs, entraient en contact avec les dealers et organisaient des rendez-vous. Quand les dealers arrivaient, ils étaient battus, leur argent et leur téléphone étaient saisis. En même temps, prenant avantage du fait que les rendez-vous avaient lieu dans des endroits discrets, les accusés, selon les enquêteurs, filmaient les dealers alors et les forçaient à confesser des crimes et publiaient ensuite les vidéos sur Internet. Martsinkevitch avait fini de faire une précédente peine de prison pour une autre affaire pénale d'incitation à la haine raciale. En novembre 2016, le tribunal avait allégé sa peine de 5 ans de prison à 2 ans et 10 mois pour la publication de 3 publicités xénophobes sur les réseaux sociaux. Honteux. Ah ouais, non, c'est insupportable. Non, mais la haine, stop. Voilà. Donc en fait, Tezak, bon, qui n'est pas connu pour être un intellectuel, effectivement, bon, c'est un fait, mais il a commis quelque chose de très grave, je pense, qui doit vraiment, mais vraiment soulever les consciences, je veux dire. Il a organisé le passage à tabac de dealers basanés qui vendaient de la drogue pour empoisonner la jeunesse russe blanche. Ça, la loi doit accorder sa protection égale et réconciliée, bien entendu, à nos amis dealers de drogue. Je veux dire, ils peuvent pas, on peut pas les laisser tomber comme ça sur le côté du chemin. Il faut qu'on s'en occupe, il faut les protéger. Et donc, effectivement, la Russie fait son travail comme il faut, et voilà. Non, mais oui. Vladimir Poutine fait le boulot. Il voulait empêcher, tu vois, qu'il y ait un Baudelaire russe, tu vois. Voilà. Donc, c'est un crime, effectivement, contre la Russie. Alors, n'empêche que. Parce que la criminalité là-bas en Russie, probablement, est quelque chose d'assez épique, mais qui est très souvent perpétré par des caucasiens. Alors du coup, là, on ne se comprend pas nécessairement, parce qu'aux États-Unis, on dit « caucasian » pour parler des blancs. Hein. Mais sauf que les caucasiens en Russie, quand tu te balades en Russie, dans le Caucase, bon, ils ont quand même des gueules d'hommes des cavernes. C'est pas possible, quoi. Genre les Tchétchènes. Genre les Tchétchènes. Les Russes. Les Russes les appellent les cunoirs, hein. C'est pas cunoirs, les cunoirs. Les cunoirs, absolument, Fulbert, absolument. Qui sont un fléau de la criminalité dans les grandes villes de Russie, notoires. Enfin, ils sont connus, tous les trafics. Et pas que de Russie, hein. Pas que de Russie. Hein. Oui, pas que de Russie. D'ailleurs, il y a récemment. Ouais, voilà, on les a chez nous, là. Il y a récemment eu une échauffourée. Alors, vous allez me dire, c'est un mal pour un bien. Récemment, en Alsace, et je le dis récemment, il y a quelques jours, il y a eu une bagarre entre bandes, entre des Tchétchènes et des Maghrébins. Je ne sais pas, présume, pour un contrôle de la drogue quelconque. Ils ont dû avoir chaud, les Maghrébins, parce que les... Oui, ils ont dû avoir chaud. Au niveau sauvagerie, le Tchétchène est un degré au-dessus. Hein. Voilà. Puis les musulmans. Ah oui. On peut pas lui faire le... Tu vois, on peut pas le... Je vais pas dire raciste, hein, c'est... Ouais, l'islamophobie, là, tu vois, ça... Ouais. Alors, j'ai envie de vous poser la question à vous tous, là, faire un petit tour de table. La résistance à l'Empire avec Vladimir Poutine pour la défense de la race blanche, où ça en est, quelque part? Bah, ça avance, tous les jours. Je veux dire, il a aussi, alors il n'y a pas que pour les histoires de dealers de drogue, c'est-à-dire qu'il a révisionnisme aussi, hein. Pour xénophobie, quand même. Je veux dire, ça va, on va jusqu'au bout, tout le spectre de la... De la défense de la nation est là, quoi. Je veux dire, on défend les pauvres basanés, on défend les dealers. Voilà, je pense que. Attends. Ils ont pris combien exactement, les mecs? 10 ans. Je connais la requête, mais je sais qu'il venait de purger. Il avait déjà été condamné à 5 ans de prison ferme pour 3 publicités diffusées sur les réseaux sociaux à caractère dit raciste. Et sa peine avait été ramenée à 2 ans, en gros, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Ça, c'était juste pour ça. Là, pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire en fait d'avoir passé à tabac des dealers de drogue basanés, probablement musulmans d'ailleurs, le parquet a requis contre lui 10 ans de prison ferme. Mais je ne connais pas la sentence définitive. Pourquoi, Maglev? Non, mais écoute, après, faut regarder la chose, quoi. La Russie, ça reste quand même un état fort, et tu fais pas ce que tu veux non plus, tu peux pas court-circuiter les forces de police. Mais pour moi, la résistance à l'Empire, c'est les Philippines. Là, c'est la vraie résistance à l'Empire. Ah bah là, oui, c'est vraiment, oui, quand la question de la droite est traitée de la même manière. Oui. Et voilà, puis, ça, c'est un vrai résistant. Et puis, je crois que t'as fini, vas-y, Magda. Bon. Et puis, il faut bien comprendre une chose. Poutine, c'est un vrai démocrate. Il a aussi ses juges rouges, comme en France, comme en Belgique, et comme ailleurs en Europe, d'ailleurs. Ouais, et puis, bah, bien sûr, mais... Ouais, et puis, attends, la Russie, c'est une fédération. Hein. C'est pas un État-nation comme la France a plus ou moins pu l'être il y a quelques années. Il y a différentes races. Je suis désolé, les mecs, ce qu'ils ont fait là, ils ont pallié à la déficience, probablement largement volontaire, de la police, qui doit être totalement corrompue et qui doit avoir sa part dans les trafics. Les types, qui sont des nationalistes, ont dérouillé la vermine qui est en train d'essayer d'empoisonner les gens au coin des rues. Ils ont fait un travail de salubrité publique. Et là, tout d'un coup, on découvre que la justice russe est d'une rigueur implacable, d'une efficacité irréprochable, alors que les autres vont continuer à dealer leur merde dans les rues de cette ville en question ou dans la ville, enfin, la ville dans laquelle ça se passait. Quoi. On ne peut pas prendre les gens pour les imbéciles, tu vois. Je veux dire, la loi, rien que la loi, non, mais sauf qu'elle n'est jamais appliquée pour des raisons de corruption, quoi. Tu vois. Et dès que tu arrives et que tu dis, bah, le roi est nu, c'est là que les types ils utilisent la justice pour eux, quoi. Pour moi, c'est de la corruption à 100%. Et alors, Tézac, il est comme il est, mais pour le coup, son action est bonne, quoi, tu vois. Et c'est là que tu vois, en fait, la Russie, le système russe qui est magnifié souvent dans les milieux nationalistes en France. Moi, je suis pas pour caricaturer ni dans un sens ni dans un autre, mais c'est gros. C'est-à-dire que la façon, là, dans un État, dans une société à peu près saine, la façon de s'assurer que Tézac n'existe pas, c'est juste que la justice, enfin, que la police ouais. fasse son boulot, qu'elle arrête les dealers. En général, de toute façon, tous les services de police dans les pays occidentaux ont la Russie, évidemment, mais savent à peu près qui sont les dealers de drogue, par où passent les réseaux, etc. En général, c'est très largement toléré pour des raisons de corruption, de blanchiment d'argent, etc., etc. Donc, en réalité, si on voulait que des gens comme ça n'existent pas, il suffirait que la police décide de faire son travail, que la justice fasse son travail. Bon, elle ne le fait pas. La nature a horreur du vide. Quelqu'un arrive et fait le ménage. Et là, évidemment, on va pousser des cris et mettre cette personne en prison parce qu'il a fait ce qu'on n'avait pas envie de faire, quoi. Bon, ouais. Résistance à l'Empire, effectivement. Résistance à l'Empire. C'est vrai que la rigueur morale russe, bon, ça fait rire, quoi. Bon, après, je suis pas persuadé non plus que le milieu nationaliste soit excessivement russophile. Alors, il a pu l'être un petit peu par moment, mais c'est surtout égalité et réconciliation. Soral, il arrête pas de se foutre de la gueule des émirs qui vont se taper des putes et de la coke à Saint-Tropez ou en Espagne. Mais bon, les Russes font exactement la même chose, généralement en pire. Donc, bon, on sait que tout ça, c'est du flanc. Ah ben oui, sur la Côte d'Azur, on a les mêmes. Hein. Ils habitent au même endroit, ils sont voisins. Hein. C'est entre les princes saoudiens et les oligarques russes. Les mecs, ils ont juste à se traverser, ils se disent bonjour. Ouais, ben voilà, c'est ça, tout à fait. Non, il faut quand même un petit peu débunker aussi, là aussi, des mythes. Ça me paraissait assez parlant, quoi. Et puis en plus, il y a une persécution, alors... Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a une persécution des nationalistes en Russie. Peut-être que parfois les types sont vraiment des gens qui sont ingérables et là l'État est condamné à réagir. Mais il y a une persécution qui est politique et évidente et où on cherche à interdire toute critique articulée des idées qui prévalent parce que moi je me fais aucune illusion là-dessus. Si tu fais une critique de fond sur le système en Russie, tu sais très bien que tu vas finir en tôle. Enfin, je veux dire, on est trop complaisant. Moi, je suis pas pour donner la main. On est aux conservateurs ou aux forces anti-russes qui veulent détruire la Russie à tout prix parce qu'on sait très bien que ça existe, etc. Mais il faut pas non plus être l'idiot du moment et dire oh, c'est fantastique, il se passe rien, les patriotes russes c'est les plus forts, etc. Non. Ah c'est pas ça, c'est que dès qu'on les écoute, on croirait qu'en Russie tu as des fontaines de miel. Tu vois, tu ouvres le robinet, tu as du miel qui sort. C'est magique. Ça me rappelle un petit peu une époque, ça d'ailleurs. Un peu avant l'invasion de l'Union soviétique. Mais, plus globalement, de toute façon, la gestion du trafic de drogue en Occident, enfin dans le monde blanc en général, c'est quelque chose qui a été... On ne lutte presque plus contre. C'est quelque chose qui, en général, a été récupéré par les services de police ou les services secrets pour financer, enfin pour remplir des caisses noires, des choses comme ça. Et donc, de toute façon, quand tu t'attaques, quand tu as vraiment envie de t'attaquer au trafic de drogue, ouais. tu finis toujours par te rendre compte que tu t'attaques à l'État, à un ouais. moment ou à un autre. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Hein. Donc, l'avenir des gens qui veulent véritablement taper dans le trafic de drogue, c'est de se retrouver face à face avec le financement des caisses noires, de la police, des services secrets, etc., etc. Parce que tout ça, ça passe par le trafic de drogue qui est plus ou moins toléré. S'il y avait un État en Occident... Si ce n'est encouragé, hein. Oui, oui, si ce n'est encouragé. S'il y avait un État en Occident qui luttait vraiment contre le trafic de drogue, je pense qu'on serait au courant. Hein. Voilà. Mais, bah, y a qu'à voir les réactions complètement hystériques de l'Union européenne, des États-Unis, quand Duterte, le président philippin, a commencé à détruire les réseaux de trafic en drogue aux Philippines. C'est-à-dire qu'en 2-3 mois, tout d'un coup, les grandes consciences se sont mobilisées, les droits de l'homme, la démocratie, machin, il avait buté 3000 mecs. Pendant ce temps-là, les mêmes États concernés qui critiquaient les Philippines étaient engagés dans des guerres pas possibles, abattaient des mecs de façon totalement opaque un peu partout. Ça pose aucun problème. Je veux dire, les États-Unis, ils sont lancés dans des aventures guerrières depuis une vingtaine d'années au Moyen-Orient. Le bilan, bon, il est ce qu'il est. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui étaient simplement des civils, des ressortissants de ces pays-là qui se sont pris des bombes dans la figure, ils n'avaient pas trop demandé grand-chose à personne. Globalement, il ne s'est jamais rien passé. Il n'y a jamais eu d'insurrection généralisée de l'ONU ou quoi que ce soit contre les États-Unis. Et là, le type dit ils sont en train de détruire mon peuple, ils sont en train de détruire ma population et ma jeunesse surtout. Et d'ailleurs, Duterte avait articulé un point intéressant. On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission, c'est assez pertinent. Il avait dit, il faut bien comprendre, nous, on n'a pas de système social. On est un pays pauvre. Si on flingue les jeunes avec de la drogue, comment ils vont faire les vieux pour avoir une retraite? C'est ça, parce que la retraite, c'est tes enfants, en fait. Bah, donc, si nous, les nôtres, ils ont choisi de ramener des nègres en masse. Voilà, c'est ça. Donc, Duterte, c'est un mec, il a vraiment à cœur de défendre les intérêts de son peuple. Il a dit, je vais détruire les réseaux de drogue. Et c'est ce que dit Fred dans l'évier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences vraiment sérieusement à t'attaquer à ça, tu découvres soudainement que tu es en train d'affronter des réseaux qui ne sont pas du tout des réseaux mafieux, souterrains, luttant pour leur survie. Tu t'attaques au haut de la pyramide, en fait. Et curieusement d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps... Tu te retrouves l'État islamique, quoi. C'est d'un coup, c'est pas d'où il sort, d'un coup, tu as l'État islamique aux Philippines. C'est incroyable. Voilà, c'est ça. C'est tout d'un coup, ils sont dans tes villes, ils surgissent de partout, ils te posent des bombes. Bon, tout le monde a compris qu'en fait, quand il a attaqué le réseau de drogue et quand il a attaqué, la réponse a été bon, allez, on va armer l'État islamique, on va le booster, on va faire passer des activistes et tout, et on va déstabiliser l'État philippin, quoi. Enfin, tout est cousu de fil blanc. Ça sera jamais expliqué dans les médias démocratiques, c'est évident, parce que c'est précisément eux qui tirent les ficelles. Et c'est juste... voilà, on est au cœur du problème. Et ça, je pense que c'est une question... La question du trafic de drogue, la question de son impact et de qui se trouve derrière n'est jamais en réalité vraiment abordée parce que c'est une des questions les plus taboues et c'est une des questions les plus explosives. En France, qui parle alors que ça fait des décennies que ça a lieu? Je veux dire, le trafic de cannabis. Quand la presse s'est emparée du sujet vraiment en force, en masse, en disant d'où vient le cannabis? Qui le produit? Ils étaient tombés sur Pasqua, je crois, hein, à l'époque. Mais ils sont pas passés sur Pasqua, ils sont tombés sur le gouvernement français. Oui, enfin, Pasqua en tant que représentant du gouvernement. Voilà, quoi. C'est ça, et en fait, tu te rends compte que tu as un accord simplement de gouvernement à gouvernement entre le Maroc, la couronne du Maroc et la République française. Et que pour faire... Enfin, voilà, c'est les mecs touchent des billes là-dessus, etc. Et les Marocains produisent. Ça passe par Marseille et d'autres points, mais notamment par Marseille. Les quantités sont énormes. Et les services secrets français prennent une part là-dessus, parce qu'ils font ça depuis la guerre d'Indochine au moins, à l'époque du SDES et compagnie. Et voilà. Et donc, en fait, les mecs, quand ils topent des gars qui font du trafic de drogue, ils topent des types qui sont des indépendants, c'est-à-dire les artisans, et en général qui sont des maghrébins d'ailleurs, vous voyez, mais qui essayent de monter des petits réseaux à eux, depuis le Maroc aussi, ils passent par l'Espagne, etc. Mais eux, c'est simplement des concurrents, c'est des concurrents de l'État français et de l'État marocain, en fait. Donc ces mecs-là, tu peux les niquer, il n'y a aucun problème, et là, tu vois la justice qui rentre en branle, etc. Mais les vrais gros dealers du système, eux, ils sont tous validés par l'État français, il n'y a pas de problème, eux, ils peuvent en vendre, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, Et quand on s'intéresse à ces questions, on rejoint très très vite la géopolitique. Très très vite, on rejoint la géopolitique en règle générale. C'est un système en fait qui permet, grosso modo, l'utilité de ça, c'est de permettre de financer des activités sur lesquelles, pour les États, sur lesquelles les contribuables ou même les hauts fonctionnaires n'ont pas vraiment de droit de regard. Quoi. C'est des casseurs, tout simplement. Tout simplement, oui. Je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour le grand débat de la semaine, qui va être consacré à l'avortement, à Simone Veil, au féminisme et aux réactions que sa disparition a suscité. A tout de suite, les amis. J'avais les cheveux blonds, toi t'avais piqué mon blouson. On s'est connus comme ça, à Cergy dans le RERA. T'avais tout plein d'enfants qui arrivaient de l'océan. Moi pour faire le malin, je t'appelais le Somalien. Est-ce que tu viens peupler la France, fuir la famine et la sécheresse? Nous saurons, je pense, soigner tes souffrances et mettre fin à ta détresse. Est-ce que tu viens peupler la France avec tes enfants, ta négresse? Ce pays est rance, il faut qu'on avance, qu'on se colore dans l'allégresse. On va pas t'expulser, je t'aiderai pour les papiers, je te tiendrai la main, tu seras des nôtres demain. Je te trouverai un toit, tu pourras vivre comme un roi, avec tes 15 enfants, et tout ça aux frais de ses francs. Est-ce que tu viens changer la France? Fuis ce racisme qui t'oppresse. Vis ta différence dans l'irrévérence avec ton djembé et tes tresses. Est-ce que tu viens changer la France? Vois-tu ces murailles qui s'adressent? Tant d'intolérance sur les apparences, viens nous apprendre la tendresse. La tolérance, la différence, c'est mon poème, ma conviction sur. Est-ce que tu viens peupler la France? Est-ce que tu viens peupler la France avec tes enfants, ta négresse? Ce pays est rance, il faut qu'on avance, qu'on se colore dans l'allégresse. Est-ce que tu viens changer la France? Vois-tu ces murets qui se dressent? Dans la sur les apparences, viens nous apprendre la tendresse. Est-ce que tu viens peupler la France avec tes enfants, ta négresse? Ce pays est rance, il faut qu'on avance, qu'on se colore dans l'allégresse. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 25. Je suis content que nous soyons suivis. On est bien suivis. On est bien suivis. On a une bonne progression, comme je l'ai dit, pour le site internet. L'émission est sur une bonne lancée aussi. On a presque un an là maintenant, les gars. Hein. On a presque un an d'existence. C'est pas beaucoup, il va falloir beaucoup. Qu'on pense à faire quelque chose pour l'anniversaire. Mon Dieu. Ouais, il va falloir réfléchir. Va falloir une réfléchir. Tête de Turc. Qui ça? Quelque chose de festif et d'homotolérant, certainement. Ah là là. Parlons sexe anal, quelque part. Alors, on va pas parler... Non, je vous rassure, on va pas parler de sexe anal. Qui se bat, non, pas... le sujet n'est pas Florian Philippot cette année. Oui, oui, ah, mais c'est dommage. En plus, j'avais tellement de choses à dire sur Florian Philippot. Mais on aura probablement, avec Sophie Montel, l'occasion de parler de Florian Philippot, je crois. Non. Le débat de la semaine concerne la mort de l'avorteuse criminelle Simone Veil. Simone Veil, née Jacob. Voilà. Responsable de la mort de millions et de millions d'enfants. Quand même, à me le rappeler Henri de Lesquen, Simone Veil, responsable de la Shoah des Français. D'enfants blancs, hein, évidemment. Bah oui, oui. Entendu, du français. Alors, rappel, donc Simone Veil est morte il y a quelques jours. Elle est morte. Alors, elle est célébrée. Alors, déjà, posons le truc. Elle est considérée véritablement comme l'icône du système républicain français. Elle a tout pour elle, du point de vue des. J'allais dire de l'idéologie dominante. C'est une survivante d'Auschwitz, mais pas vraiment parce qu'en fait, elle est morte à Auschwitz, Fulbert. Et puis elle est quand même. Ah, vas-y, Fulbert. Oui, bah, il y avait une petite news qui était sortie il y a des années de cela, où on avait retrouvé dans les listes des grands, des personnages connus décédés à Auschwitz, on avait retrouvé l'ami, l'ancien syndicaliste communiste Henri Krasuti, oui. Qui se retrouvait sur les listes de ceux qui n'avaient pas survécu. On dit comment ceux qui n'ont pas survécu? Enfin bon, les morts. Des miraculés. Les miraculés, voilà, exactement. Et notre ami là-bas, qui vient de décéder, il en faisait partie aussi. C'est vrai, ouais. Bon, alors voilà, donc, extraordinaire, miraculé, rescapé d'Auschwitz. Donc déjà, elle est donc juive, rescapée d'Auschwitz, militante féministe, votant l'avortement. Alors là, déjà, je veux dire, là, si tu cherches dans l'échelle de la hiérarchie des valeurs dominantes, là, t'as gagné à peu près le gros lot. Hein, bah, elle n'a pas été aussi présidente du Parlement européen, non? Ah si, oui, faut pas voilà, oublier. Voilà, hein. Donc, alors, et aussi, évidemment, alors, la création... Magistrate, membre du... Enfin, présidente, je crois, non? Du syndicat de la magistrature. Ah bon? Bah, il me semble, oui. Enfin, c'est donc, son métier, c'est magistrat, elle. Oui, d'accord, mais syndicat... Ah tiens, je demanderais bien confirmation, parce que... Ouais, c'est... ouais, bah, faudrait vérifier... ah non, je... Ici, ouais, membre paraît... du syndicat de la magistrature et première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Ah, donc elle est membre du syndicat de la magistrature? Oui, oui. D'accord, donc un syndicat d'extrême-gauche en tant que femme de droite aux côtés de Jacques Chirac. Donc, voilà. D'accord, bon. Alors, donc, cette femme... Oui. Ouais. J'ai vu aussi passer un extrait là, du journal de Renaud Camus des années 2000, donc, ouais. Où il faisait part de ses entretiens avec Valéry Giscard d'Estaing. Non, on va y revenir, on va y revenir, c'est prévu. Ah, ok, d'accord. Il y a un fil conducteur. Ah, d'accord. Alors de quoi parle-t-on déjà en premier lieu? Du principal crime contre l'humanité, pour le coup, dont s'est rendu coupable... cette personne, c'est la légalisation de l'avortement en France par la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil, qui a permis la destruction dans le ventre de leur mère de 200 000 enfants chaque année depuis maintenant 42 ans. Soit l'équivalent, peu ou prou, de 8,5 millions d'individus. Donc cette femme porte sur la conscience la mort de 8,5 millions de personnes grâce à une loi l'autorisant. Donc c'est une destruction sans précédent dans l'histoire de France, de vies humaines. Il n'y a pas d'équivalent, même pendant la première guerre mondiale, même pendant la deuxième guerre mondiale, il n'y a rien d'équivalent. C'est quelqu'un, véritablement, qui porte sur ses épaules la mort dans ce cas-là de plus laid, puisque c'est tuer l'être humain au moment où il est le plus fragile et où il devrait être le plus protégé. Comme on dit, dans le sein des saints, comme dit l'Écriture. En parlant, évidemment, d'une autre référence, puisque c'est la référence du temple de Jérusalem, mais c'est dans le sein des saints. Et elle l'a légalisé, évidemment avec l'appui de la franc-maçonnerie, l'appui de la droite, c'est Valéry Giscard d'Estaing, et c'est une majorité de droite, et tout s'y retrouve finalement. Attends, Valéry Giscard d'Estaing de droite ? Non mais, ce que je veux dire, c'est que les gens avec les étiquettes de l'époque, se cataloguant comme de gauche ou de droite, prétendaient effectivement conserver, défendre le pays, la patrie, tout ce qui s'ensuit. Et en fait, déjà, et grâce à cette législation-là notamment, on a vu que ces clivages n'existaient en réalité déjà plus. Il y avait déjà un consensus sur une vision de l'homme, une vision de la société, une vision du monde, et qui était mis en œuvre plutôt par la droite à l'époque, parce qu'elle était hégémonique, après la mort de De Gaulle. Parce que je pense, je ne crois pas me tromper, que De Gaulle vivant, cette loi n'aurait pas été votée. Je ne crois pas me tromper, je veux dire, je ne suis pas gaulliste, pas De Gaulle. Écoute, De Gaulle, quand il y avait des ministres divorcés ou des députés divorcés, ils étaient interdits de dîner à sa table. Quel brave homme, finalement, avec du recul. Alors, on a parlé, donc destruction de la jeunesse française dans le sein de la mer. C'est terrifiant. On ne peut pas en rire, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas matière à rigoler, là. Et là, pour le coup, un véritable génocide. Hein. Je crois qu'il n'y a pas... Pour moi, à mes yeux, il n'y a pas matière à contestation. Hein. C'est le génocide. Un véritable génocide qui est une des bases du déclin démographique de la France. Ouais, on va y revenir de ça. Parce que j'ai eu des arguments, des contre-arguments qui m'ont été opposés. Mais effectivement, ça a été vraiment le coup porté. Comme je dis, en fait, c'est symbolique. C'est-à-dire, c'est évidemment dans le sein de la mère qu'on va tuer l'enfant. Mais c'est même la France, comme pays, qui a été touché dans sa matrice, dans son processus de reproduction au sens strict. C'est comment le pays se régénère, se reproduit, se recrée. C'est là qu'il a été touché mortellement. Plus qu'aucune guerre, plus qu'aucune épidémie a jamais pu le faire subir à la France ou même à l'Europe. Prenons la peste noire. La peste noire a été un cataclysme pour l'Europe, pour le monde et pour la France, mais la France en est relevée. Parce que finalement, les bases raciales, communautaires de la France de l'époque étaient finalement très très très très saines. Donc, ils ont parvenu à passer au-delà. Ça a pris du temps. Avant qu'on retrouve le niveau de population, il a fallu attendre 2 siècles au moins. Mais là, et là, ça va faire le lien avec ce qu'on va dire ensuite, sur la question de l'immigration, ça a été un coup extrêmement dur porté à la France et aux Français. Et à l'Europe, hein, parce que ça s'est étendu comme un cancer. Exactement. Alors, tout de suite là, il y a plusieurs façons d'aborder le problème, hein, mais il y a la question finalement morale, religieuse. Moi, je le fais pas, c'est-à-dire que je ne parle pas de cette question-là en termes religieux, parce que la religion fait plus aujourd'hui l'unanimité, aujourd'hui en France, c'est le moins qu'on puisse dire. La plupart des gens sont agnostiques, sont athées, ou s'ils sont catholiques, ils sont catholiques de très très loin. Donc c'est très difficile en fait d'aborder ce problème-là au plan moral et éthique. Parce que finalement, et c'est assez bizarre, mais c'est comme ça, on n'a plus la même morale. On n'a pas une morale qui fait autorité d'une même source, une source chrétienne univoque. Ça, pour moi, c'est clair, en l'état, ça n'existe plus. Donc c'est très difficile de parler aux gens et de leur dire, voilà, rendez-vous compte, moralement, les gens sont indifférents. Ça fait très peur d'ailleurs, mais ils sont indifférents. Il y a d'autres choses, il y a d'autres façons de présenter le problème qui, à mon avis, permettent aux gens d'avoir un déclic, quoi, d'avoir une prise de conscience. Mais je pose quand même la question, à tout hasard, juste sur le plan moral ou religieux, indépendamment, qu'est-ce que... Juste cette législation-là, le fait d'autoriser l'avortement, en tant que tel, je veux dire, vraiment, l'avortement comme question en elle-même. Si quelqu'un veut réagir là-dessus. Tout le monde le sait, tout le monde qui s'est intéressé au sujet sait ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément de recherches, d'études qui ont été faites sur les femmes qui ont avorté, qui ont révélé que c'était quelque chose d'extrêmement traumatisant, qui pouvait durer chez certaines femmes pendant très très longtemps, c'est-à-dire que c'est une cicatrice qu'elles porteraient, etc., une cicatrice sur leur conscience. Donc ça n'est vraiment pas un cadeau à leur faire, même si pour certaines elles estiment que c'est une grande avancée pour l'humanité, pour le droit de la femme, etc. Mais bon, moi je suis pas, je me poserai pas particulièrement du point de vue moral ou religieux, mais simplement sur les effets qui sont observables, ce que ça produit sur la conscience, sur la psychologie des femmes qui ont pratiqué des avortements. Donc, toi, tu veux dire, voilà, c'est un fait objectif, il y a un traumatisme qui est avéré, parce que tu auras les réactions, même sur les forums, je vous invite. C'est un sujet passionnant. J'invite ceux qui nous écoutent à aller sur les forums de personnes, de femmes, qui disent, voilà, je suis enceinte, je sais pas quoi faire, j'ai envie d'avorter, mais etc. Et vous lisez les réactions des gens, Doctissimo et tout ça, tous ces sites là, finalement, qui sont pas fréquentés à leur juste valeur quelque part pour ces questions là, parce que vous avez plein de femmes, de jeunes femmes, qui sont vraiment en détresse humaine énorme, qui cherchent désespérément un avis. Et le truc, c'est que c'est ça qui est vraiment terrifiant à notre époque. C'est que d'une réponse ou d'une absence de réponse sur ce forum-là va dépendre la vie d'un être humain, en fait. Alors qu'on est quand même dans une époque où on fait grand cas de la vie ou de la survie de la vermine qui est en prison. Les djihadistes, etc. Comment, quoi, vous allez même pas leur enlever la nationalité? Juste enlever la nationalité à un djihadiste aujourd'hui en France, ça choque. Hein. Rappelez-vous, avec Hollande, la gauche, Hollande a transgressé les valeurs de la gauche. Il faut financer des sorties à Crobranche aujourd'hui. C'est la problématique. Et les caressages d'hamsters. Et en fait, tu vas sur ces forums-là, tu te rends compte, en fait, qu'il y a des filles qui sont vraiment... Elles se posent la question, je veux dire, c'est une question grave. Et c'est surtout, quand on voit des témoignages comme ça, ça m'est arrivé de lire des choses comme ça, c'est très souvent des considérations pour les femmes modernes, des considérations purement économiques, matérialistes, c'est-à-dire, voilà, je suis dans telle situation, je ne peux pas me le permettre, mon partenaire, ma famille, je ne sais pas quoi, bref, enfin... Donc en gros, c'est tout l'entourage, voilà, c'est les questions de confort matériel qui vont décider de la vie ou non d'un enfant, quoi. Exactement. C'est un enfant si je veux, quand je veux, en fait. Oui, mais il y a cet aspect-là, mais il y a souvent l'aspect où en réalité, comme c'est quelque chose qui est devenu légal et qui est en quelque sorte passé dans les mœurs de l'époque... Et même sans que la femme soit particulièrement matérialiste jusqu'au boutiste, etc., son entourage va faire pression pour qu'elle se fasse avorter. C'est ça, c'est comme aller se faire lever les dents de sagesse, quoi. C'est banalisé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a le phénomène des femmes qui traitent ça par-dessus la jambe comme si c'était... une opération banale. Et puis en même temps, il y a l'entourage des femmes qui peuvent aussi les pousser de ce côté-là. Donc il y a une double façon d'y arriver. Hein. Oui, de toute manière, l'entourage, il n'y a qu'à voir le matériel français, c'est de la gauchiasse, hein, généralement. Donc droit des femmes, ton corps t'appartient, tu fais ce que tu veux et compagnie. Le matériel humain français, effectivement, le côté socialiste... etc., etc., se combine au côté congé payé, donc un nouvel enfant dans la famille, ça va nuire non seulement... ça va nuire au confort de ma fille, et puis ça va nuire à mon confort à moi, qui vais me retrouver responsable, donc, etc. Bref, bah oui. Mamie et papy ne pourront pas les faire de croisière en Méditerranée et filer de l'argent aux Marocains, quoi. C'est... Exactement. Oh, merde, et c'est vrai que très souvent, on a des grands-parents qui ont la joie d'avoir une petite fille à moitié congolaise, ou voilà, hein, c'est... Libanois entier. Voilà. Ouais, puis c'est aussi la crainte de mettre un frein à sa carrière, en fait. Parce que c'est sûr que pour une femme, c'est très enrichissant de pouvoir remplir des classeurs Excel à la con. Tu vois, ça donne un sens à ta vie, en fait. Avoir un boulot de merde avec un patron qui t'exploite, ça, pour les femmes, c'est le progrès. La modernité, elles adorent ça. Là, on arrive, parce qu'on est toujours un peu dans le domaine moral ou religieux. C'est-à-dire que ça peut être motivé religieusement, parce que la religion, par exemple, la religion catholique, par exemple, mais c'est vrai de toutes les religions, en fait, ont une vision de la famille, ont une vision de la société, qu'elles traduisent dans leur système, en quelque sorte. Mais juste en nous limitant à la question morale, les femmes féministes qui ont défendu l'avortement et qui continuent de défendre l'avortement utilisent un argument très connu qui disent « je fais ce que je veux de mon corps ». Mais ce n'est pas leur corps. Putain, mais tu vois, ça, c'est vraiment, en fait, c'est une mentalité de consommatrice. Tu vois, c'est moi, c'est mes droits, c'est à moi, ça m'appartient, c'est ma propriété. Non, c'est pas ta propriété. C'est un être humain qui est dans ton corps. Et dans ce cas-là, tu as un devoir. Tu as un devoir de maternité. Et si, effectivement, tu enfreins ton devoir, la société, la communauté a le droit de te regarder, de te juger, et si possible, d'émettre un jugement sur toi négatif. Toutes les sociétés traditionnelles font ça, et c'est pas pour autant que dans ces sociétés, les femmes sont malheureuses. Moi, je suis pas persuadé que la femme qui a avorté... Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont avorté, hein. J'ai juste donné un indice statistique. Il naît en France à un peu près entre 400 000 et 350 000 petites filles. Donc, vous considérez un peu plus du double pour le nombre de naissances. Et il y a 200 000 avortements. C'est colossal. Ça veut dire si tu fais le rapprochement, alors évidemment, il faut mettre en question la pyramide des âges, mais il y a beaucoup de femmes qui avortent au cours de leur vie. Beaucoup plus qu'on ne croit. Hein. Je ne sais pas quelles sont les stats exactes, mais je crois que c'est pas loin d'une femme sur cinq. Et c'est évident, et Frédéric Danlavier l'a très bien dit, qu'une femme qui s'est faite avorter porte en elle, qu'elle le veuille ou non, une culpabilité. Et elle peut se mettre en boucle toutes les paroles, « Oui, c'est mon corps, je fais ce que je veux. » La vérité, c'est qu'une nana qui avorte, elle est blessée. Je veux dire, c'est pas qu'elle est foutue, mais ça se ressent. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va plus. On arrive avec des charters entiers de nanas qui, bon, sont quand même très généralement des blanches, qui arrivent sur l'âge de 35-40 ans, qui sont célibataires ou divorcés et qui n'ont pas de môme. Et ces nanas sont des tarés en puissance. Et il y en a des millions et des millions. Et c'est pas un progrès, hein. Elles sont pas heureuses. Alors, Frédéric Danlavier ou Déric, je fais ce que je veux de mon corps. Ouais. Je tue un gosse. Ouais. Enfin bon, oui, bon, au niveau moral, bon, c'est... Voilà, quand on se place effectivement dans notre population, avoir des femmes de chez nous qui font ça, c'est pas sain, quoi, hein, clairement. Ce que je trouve assez édifiant, c'est qu'on est dans une époque, on vit à une époque où la peine de mort a été complètement interdite. On ne peut pas, c'est interdit. On parlait de Duterte et du président philippin. Ouais, c'est vrai, c'est très, très intéressant de mettre ça en parallèle, effectivement. Bah oui, c'est-à-dire le philippin, tu lui dis « moi je veux tuer des dealers de drogue qui bousillent des familles ». Ouais, la vie d'un criminel est plus sacralisée que, oui, t'as que la vie d'un mari, d'un fœtus, quoi. C'est complètement... Bah, c'est la sacralisation de l'état de droit. C'est-à-dire, le droit a dit, à partir de 10 semaines, c'est... après 10 semaines, c'est un être vivant. Avant, c'est un truc, quoi. Donc, et puis les gens, d'accord. Ok, ça va, c'est bon, pas de problème. Donc, on a une grande mobilisation de l'ONU, on a une grande mobilisation... des instances démocratiques, tout ce qui s'ensuit, des associations, comment, quoi, vous allez tuer un dealer de drogue, sans procès, sans truc. Et par contre, tu peux tuer un fœtus. Ah oui, mais c'est pas vraiment un être humain, comprenez. Donc, c'est la loi, et c'est ça qui est. Je crois que c'est le seul qui est le plus odieux. Parce que ces gens-là, ils disent, ah oui, mais à 10 semaines, vous comprenez, c'est pas un être humain. Et toi, tu poses la question, pourquoi? Bah, c'est dans la loi. Et voilà. C'est quoi la loi? C'est quoi la loi? C'est la loi, mais qui a écrit la loi? C'est un peu moins de 600 députés. Ok. Il y a qui dans les 600 députés et quelques? Bah, y a des gens comme Dupré. Jean-Paul Dupré, député socialiste, pris la main dans le sac, en train de faire ses conneries, etc. Et Strauss-Kahn, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, c'est ces 600 connards qui, souverainement, vont définir, voilà... La date limite qui définit l'existence d'un être humain, c'est ce jour plutôt que ce jour-là. Donc si c'est 10 semaines et un jour, c'est un être humain. Si c'est 9 semaines moins un jour par rapport aux 10 semaines, alors là, c'est un machin, c'est un truc. C'est voilà. Un amas de cellules. Et donc ces 600 crasseux, dégueulasses, dont tu ne connais rien de la vie privée ou publique véritablement, ni des engagements, ni des pressions qu'ils subissent, ni de leurs affiliations ou leurs affinités, qui vont déterminer quand un être humain est vivant, quand il n'est pas. Et ça, c'est l'état de droit, c'est la démocratie. Par contre, vous ne pouvez pas porter atteinte à l'intégrité physique d'une ordure de dealer qui a ruiné votre famille. Ou d'un violeur qui a violé votre fille. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Ça, c'est impossible, vous comprenez? Parce que ils ont des droits. Ouais. Et ça, c'est le parangon de la démocratie. Donc, je laisse la parole à d'autres, mais je crois que là, on est au cœur de quelque chose, quand même. Vous voyez? Sur cette question autour on est au cœur de l'état de droit. C'est ça. MacDav, tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, mais écoute, c'est une discussion que j'ai eue plusieurs fois avec des femmes, et elles-mêmes, en fait, sont persuadées, si tu veux, en fait, les arguments juridiques ou autorité scientifique, elles en sont absolument certaines. Or, quand tu les mets face à leurs contradictions, notamment du fait que on peut avorter à plusieurs, enfin, il y a quand même une grande différence, de stade de gestation en fait entre les différents pays où tu peux avorter. Je crois que c'est quasiment je crois que ça doit être 24 semaines ou 22 semaines en Espagne, selon certains cas. Et en fait, tu peux considérer qu'un fœtus est viable seulement quelques semaines après, si tu veux. Donc, il se passe un instant magique, quasiment surnaturel, qui est déclaré par le droit, où un fœtus devient un être humain. Et c'est quasiment magique, en fait. C'est décidé juridiquement. Et en fait, toutes ces femmes, se lavent les mains avec cet argument de merde en disant, bah en fait, c'était rien. C'était un truc qui n'a pas conscience. Alors je crois que selon les mecs en sont persuadés, mais jusqu'à 24 semaines, un fœtus ne ressentirait pas la douleur. Et ce serait un argument, en fait. Sous prétexte qu'il ne ressentirait pas la douleur, tu pourrais l'exécuter froidement par centaines de milliers. C'est immonde. Moi, personnellement, ça me fait gerber. Et pourtant, je ne suis pas chrétien. Donc... L'argument de la douleur, c'est comme si tu disais, bon, tiens, je vais anesthésier quelqu'un, il ressent pas la douleur, je peux l'égorger, quoi. Tiens, c'est... C'est exactement ça. C'est l'argument de la guillotine, en fait. Hein. La guillotine n'est pas douloureuse. En fait, c'est tout ce qu'on nous prive. C'est tout ce dont on nous prive. C'est-à-dire que quand on dit, mais vous en faites pas, là, le violeur multirécidiviste, il va pas souffrir, on va lui foutre une picouse, ça va aller bien. Mais comment, quoi? Qu'est-ce que vous dites, tu vois? Vous pouvez pas le tuer, tu vois. C'est quand même extraordinaire. Non, mais ça, c'est intéressant, la question religieuse, parce que souvent, l'avortement, pour contre est réduite à une question. Oui, mais en fait, voilà, en fait, vous êtes une espèce de fondamentaliste chrétien qui vivait dans votre cave, etc. Or, et c'est d'ailleurs le fil de la discussion qui va continuer, hein, beaucoup de gens sont contre l'avortement et ne sont pas ou plus ou tièdement chrétiens. C'est-à-dire que leur réflexion. Là, pour le coup, il y a vraiment pas besoin d'être chrétien pour être contre l'avortement. C'est-à-dire simplement, même sur des arguments matérialistes, j'ai envie de dire des arguments eugénistes, il est tout à fait possible de se positionner contre l'avortement. C'est-à-dire que le simple fait de... Bon, l'avortement, en fait, c'est un peu la continuation de la contraception qui avait été légalisée quelques années avant. D'ailleurs, avec la participation, je pense, de Simone Veil encore, qui avait dû être dans le coup. Elle avait facilité. On va donner des éléments. Ce sont des pratiques, que ce soit la contraception avant, alors c'est un autre sujet, mais c'est lié, puis l'avortement, qui est quand même beaucoup plus lourd, qui mène au final au découplement total du sexe et de la natalité. Et d'un point de vue purement matérialiste racial et eugéniste, c'est un désastre absolu. Donc même sans aller chercher la moindre... Bon, alors évidemment, on peut parler de morale, mais même sans aller chercher la morale, objectivement, ça a des résultats, absolument désastreux sur le plan du résultat biologique, de ce que ça va donner comme résultat au niveau du stock biologique du peuple auquel on va appliquer ces lois et ces idées. J'ai envie de souligner un truc là-dessus. C'est que la tension se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a des gens qui disent « c'est la tendance naturelle de l'être humain ». Bon, c'est comme ça. On a des gens qui disent « voilà, les femmes disent « c'est mon corps, je fais ce que je veux ». Donc les femmes, en fait, sont dans une logique de privatisation. Elles disent « voilà, ça m'appartient, c'est mon corps, in fine, le processus biologique m'appartient, je fais ce que je veux ». Il y a des femmes qui vont vous dire un autre argument. Ils vont vous dire « oui, mais l'homme porte une lourde responsabilité ». Ça peut arriver d'ailleurs, je dis pas que l'homme est toujours au niveau, attention. On met beaucoup la pression sur les femmes, il y a aussi beaucoup la pression à mettre sur les hommes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tocards qui n'assument pas, qui sont des irresponsables. C'est un fait. Et ça, la pression doit être équivalente, à mes yeux, au plan étatique. Mais on va y venir. Mais c'est l'argument contraire, c'est-à-dire « ah voilà, oui, mais en fait, c'est la faute de l'homme parce qu'il n'assume pas, etc. » Sauf que, in fine, de ce côté-là, les féministes ont un peu raison. C'est-à-dire que qui pousse la porte de l'hôpital en dernière instance, c'est la femme. Parce que c'est elle qui doit subir l'intervention. C'est pas l'homme. Donc c'est elle qui, souverainement, en dernière analyse, va décider ou pas de franchir le pas. Mais surtout, quand une femme dit « c'est mon corps », etc., on est dans l'individualisme le plus aliénant. Et tu parlais de peuple, tu parlais de biologie, tu parlais d'eugénisme, tu parlais de survie raciale. Moi, je pense que le rôle d'un État populaire, c'est de garantir, quelles que soient les conditions, la survie du peuple. Par définition, je veux dire. Ou alors on plonge dans le nihilisme le plus complexe. Et pas simplement sa survie, mais si possible, son amélioration progressive. C'est tout à fait d'accord. Mais on est sur un truc complètement basique, c'est-à-dire de dire, voilà, le pays doit se reproduire, c'est-à-dire il doit se recréer en permanence. Qui recrée le pays en permanence? Ce sont les femmes, ce sont les mères. Et c'est un rôle extrêmement noble. C'est le rôle d'ailleurs probablement... un des rôles les plus éminents dans un pays et dans une société. C'est absolument clair, quoi. Et quand une femme dit ça, ça veut dire qu'elle dit « je divorce d'avec mon pays, je divorce d'avec mon peuple ». Et en fait, au bout du bout, je divorce avec le compagnon avec lequel je suis, quoi. Ou lui-même, de l'autre côté, divorce d'avec moi et me laisse à mon sort. Et c'est cette attitude, j'allais dire, de fission nucléaire qui a détruit complètement la société. Et je dis que l'État a non seulement un droit de regard, mais une obligation de regard sur ces questions et qu'il ne peut pas se détourner de la démographie, c'est-à-dire la santé biologique de son peuple, du peuple qu'il est censé servir, parce que sinon c'est du nihilisme dans lequel on se trouve. On dit oui, oh, bon, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Comment voulez-vous qu'un peuple. En fait, c'est ce que tu dis est totalement vrai, mais c'est bien la culpabilité européenne. On s'est quand même penché dans les pays européens sur la question de la santé de la nation en tant que race. Certains pays l'ont fait plus que d'autres. Hein, le Troisième Reich l'a poussé un peu à son paroxysme. Et on a une forme de culpabilité qui est, à mon avis, très, très chrétienne à revenir à ce penchant. Je suis pas d'accord, parce que si on observait la morale chrétienne traditionnelle, au contraire, on aurait des familles très nombreuses. Je veux dire, c'est la base du christianisme, ça. Donc, on fait avaler au christianisme tout n'importe quoi. On va pas quand même faire avaler au christianisme le fait de promouvoir les familles peu nombreuses. Au contraire, le christianisme, il y a bien un truc qu'il a promu à travers les âges, c'est les familles nombreuses. Bien sûr, bien sûr. On peut pas lui enlever, je veux dire. On peut porter des accusations très nombreuses contre le christianisme, mais ça, c'est une accusation. Bah maintenant, il promeut les familles nombreuses de nègres maintenant. Non mais voilà, je suis d'accord et je suis. Probablement faudra-t-il le faire d'ailleurs. Et les guitares. Il faudra s'occuper de la question de l'Église catholique et du clergé catholique. C'est absolument certain. Mais enfin, sur 2000 ans, sur cette question-là, ils ont plutôt été assez constants. Mais pour dire la responsabilité de l'État. De réprimer les tentations, on va dire, individualistes ou nihilistes qui vont faire dire à des jeunes femmes ou à des jeunes hommes, oh bah après tout, j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Et à la législation ensuite, par effet de mode, de valider ces comportements. En face de nous, et c'est un peu ce que je voulais dire, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça, pour comprendre ces questions. En étant purement matérialiste, athée, mais en ayant un bon sens élémentaire. Face à nous, nous avons une Afrique qui, démographiquement, est absolument hors de contrôle. Je rappelle quelques chiffres. L'Algérie, dont nous subissons au premier chef, l'émigration. L'Algérie, entre 2017 et 2030, en 13 ans, c'est très court, 13 ans, va connaître une augmentation de sa population, d'après l'ONU, de 10 millions d'habitants. Elle va passer à 48 millions d'habitants. Ils sont déjà dans un marasme économique invraisemblable. C'est une population extrêmement jeune, la population algérienne. C'est des gens qui sont extrêmement jeunes. Ils n'ont pas d'avenir en Algérie au plan économique. Il n'y a pas de boulot. Ils ont une clique politique désastreuse. Ils ne sont pas foutus de se prendre en charge. Et leur seul espoir, c'est finalement d'aller se précipiter vers l'Europe, et vers la France et les pays francophones. Et de l'autre côté, on va y venir. On aura l'occasion d'en parler toujours dans cette émission, la réaction des autorités françaises face à ça et comment ils comptent miser là-dessus. Mais c'est pas exactement là-dessus que je vais m'attarder. Donc on a plus 10 millions d'habitants en 13 ans. 10 millions d'habitants en Algérie. Nous, on ne fait pas de gosses. On prend des législations pour décourager les femmes de faire des enfants. On augmente les impôts. On promeut des comportements délirants comme l'homosexualité, la transsexualité. Et ensuite, ah oui, mais vous comprenez, on a un déficit démographique, il faudra bien accueillir l'immigration. On va y venir. Mais l'Afrique noire, plus 800 millions d'habitants, sur la même période de temps dont j'ai parlé, c'est-à-dire 2017-2030, plus 800 millions, c'est autant, si ce n'est plus, que l'Europe et la Fédération de Russie réunies. Les Européens, en 13 ans les Européens et les Français en particulier sont condamnés à se faire envahir et payer le traitement de leurs envahisseurs. Donc les migrants en tout genre par l'impôt. Donc l'impôt que tu voilà quand tu que tu l'imposes sur le revenu tout ce que tu veux sert à entretenir le troupeau d'Africains de France du Sud de partout parce qu'il y en a partout d'ailleurs. Hein. Les HLM donc l'épargne hein, l'épargne le plan d'épargne logement le livret A ça sert à loger les nègres voilà c'est ça. Non, non, mais l'État met en place une politique d'hygiénique. Bah, une politique meurtrière. Hein. Donc, il faut bien que les gens entendent. Incitation à l'avortement et au remplacement. Donc, c'est génocide. C'est vraiment à préciser. Quand on dit génocide, là, on peut le dire. Ah oui, c'est une législation. Alors maintenant, il y a des gens qui m'ont fait observer ça. Comme contrariant, ils m'ont dit, oui, mais attends. Sur le génocide, ou en tout cas, on va dire, sur l'élimination par l'avortement, il y a une partie qui sont des allogènes. Je vais pas le nier, c'est évident. Oh non, elle est très faible. Mais je précise un truc, c'est que dès la première année de la légalisation de l'avortement, on avait 200 000 avortements de Françaises de souche. Et ça n'a pas bougé depuis, je crois. Mais il y a des études qui ont été faites là-dessus, et d'ailleurs, c'est pris, tourné en dérision par l'introduction, enfin la première scène du film Idiocratie, pour ceux qui l'ont vu, où on voit qu'effectivement, bon, voilà, le couple a au QI, voilà, du mal à décider de faire un enfant, etc., attend très longtemps, et puis en fait, et c'est une réalité, c'est-à-dire que, en réalité, les gens qui avortent, globalement, en moyenne, ce sont des gens des couches plus élevées, alors que dans les couches inférieures en termes socio-économiques, on va avoir beaucoup plus d'enfants, on va moins se poser la question, etc., etc. Donc c'est du turbo d'hygiénisme, c'est-à-dire que non seulement on va importer des Africains, l'État va décider d'importer des Africains pour soi-disant pallier au déficit de natalité, mais en plus, quand on pratique l'avortement chez les peuples européens, et bien évidemment, ça va être des avortements de confort, très souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais très souvent des avortements de confort dans des familles plutôt aisées, où on va pas avoir envie, on va voir un nouvel enfant comme un fardeau à porter. Donc on ne va pas vouloir ajouter ce poids, etc., etc. Et très souvent, ce sont des gens... C'est là où tu as une femme qui a une carrière. Ce sont des gens qui, en moyenne, auraient un QI peut-être plus élevé. Voilà. Alors que dans les couches à plus bas QI, les couches plus populaires, etc., qui n'ont pas accès au même niveau socio-économique, là, on va moins se poser la question, on va continuer à avoir des enfants. Donc c'est vraiment du turbo-d'hygiénisme. C'est-à-dire qu'on va en même temps... faire baisser le QI moyen chez les Blancs, en même temps importer des Africains, donc la combinaison des deux phénomènes simultanément, si tu veux, ça donne juste la poubellisation suprarapide. Totalement. Et puis par l'augmentation, donc du fait que ces populations à bas QI se développent comme des lapins, tu as donc ceux qui travaillent, en gros, qui payent l'impôt, qui doivent payer toujours plus d'impôts, et donc, ils sont encore moins incités à faire des enfants parce que ça va faire baisser leur pouvoir d'achat. C'est un cercle vicieux, effectivement. C'est un cercle vicieux, mais alors, il n'y a pas de moyen à part devenir méchant, effectivement. Alors, oui, parce qu'il y a aussi un autre constat qu'on peut faire et qui découle de cette situation, c'est le fait que, regardez un peu autour de vous le nombre de jeunes femmes qui, pour avoir leur premier enfant, ont hésité, et finalement deviennent mères à 34, 35, 38 ans, 40 ans parfois. Oui, bien sûr. Repousse, parce que... Mais ça, c'est beaucoup lié à la fiscalité, au fait que... Précisément, là, on a un truc qui est vraiment terrifiant, mais qui est lié justement à cet état-providence, cet état social dégénéré, je précise, parce que il y a une formule qui est très simple et qui résume le problème. Je ne vais pas dire que j'y adhère totalement, mais en tout cas, il y a une forme de bon sens là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, ils ont une formule qui résume ça comme ceci. Vous pouvez avoir un état social et des frontières fermées. Vous pouvez avoir des frontières ouvertes et pas d'état social. Mais vous ne pouvez pas avoir d'état social et des frontières ouvertes. Évidemment, parce que l'état social où tu arrives et d'entrée de jeu tu es un ayant droit, ça détruit le système social. Ça le détruit pas instantanément, pas en quelques années, mais ça le détruit sur quelques décennies, 50, 60 ans. Enfin, l'espace en fait, en réalité, d'une génération et demie. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est ça, c'est-à-dire que on met une pression fiscale sur les autochtones qui est absolument énorme. C'est-à-dire ceux qui peuvent s'élever dans la société. Donc la circulation des élites, comme on dit. Comme disait Pareto, d'ailleurs, intellectuel italien. Il y a une circulation naturelle des élites qui doit se faire. Il y a des gens de talent, qui sont brillants, qui ont de l'intelligence, qui peuvent monter dans la société, mais qui veulent pouvoir prendre des risques, et ils veulent qu'on leur permette de prendre des risques et de monter. Mais en réalité, on a un système qui est vraiment... Alors, on parlait d'hygiénisme, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on a une couche énorme de rentiers, généralement des vieux, qui, eux, ont un plan retraite, en gros. Ils ont des situations, leur famille... proches ont des situations, le système est verrouillé. Et eux, ils ont commencé à mettre en place, pour maintenir leur position, une espèce de circuit alternatif qui évite de voir les concurrents les plus immédiats, qui sont de race blanche, les contester. Donc c'est envers, c'est les talentueux, qui eux sont condamnés à payer des impôts sans pouvoir monter. Tout en faisant venir des gens à côté, qui viennent d'Afrique, machin, pour l'arbiner en gros. Et pour continuer à faire tourner le système. Et là, j'en viens à un point de la discussion qui me paraît important. C'est comment les baby-boomers, peut-être pas tous, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais en gros, cette génération du baby-boom a promu la libération sexuelle à laquelle on doit ces deux éléments, c'est-à-dire, pour moi, D'abord, la destruction de la morale chrétienne, enfin le bazardage de la morale chrétienne, qui conditionne l'abandon, la trivialisation, la vulgarisation du mariage, on peut divorcer comme on veut, et l'avortement. C'est-à-dire que l'union matrimoniale qui consacrait le patriarcat blanc, sur lequel reposait toute la civilisation européenne, a été bazardée. Au nom de la libération sexuelle et du plaisir immédiat. Et les mêmes se retrouvent à partir, on va dire, des années 90. La réflexion commence dans les années 90. Avec Juppé, en 95, il pose la question des retraites, il se fait virer. La question, c'est comment on va financer le système de retraite ? Bah oui ! Parce que dans un système de socialisation, normalement, j'allais dire, dans une optique vraiment socialiste, si on est sincère, tu rentres dans le jeu, tu vas être bénéficiaire, mais tu dois verser quelque chose en échange. T'es bénéficiaire, t'as une retraite garantie par l'État, mais qu'est-ce que devrait être le contrat de base ? T'apportes des actifs, c'est-à-dire que tu fais des gosses. Donc, au minimum, tu devrais garantir à l'État la naissance de deux enfants, normalement. Ça devrait être une obligation totale, même pas quelque chose qui doit être libre de discussion. Ça devrait être une obligation. Pourquoi ? Tu vas être bénéficiaire dans ta retraite. Sinon, et ça c'est l'option que je privilégie, tu devrais laisser les familles, au plan communautaire, organiser de génération en génération la solidarité. On devrait laisser l'esprit communautaire guider le principe de solidarité intergénérationnelle et écarter l'État de cette question des retraites. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Dans un système socialisé, les générations devraient être solidaires entre elles et donc produire des enfants en conséquence. Or, ce qui se passe, la génération du baby-boom, c'est que non seulement elle a emprunté au sens strict, au plan financier vis-à-vis de la génération suivante, mais même au plan le plus prosaïque, c'est-à-dire au plan biologique. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous on a envie de baiser comme on veut, les contraintes morales, matrimoniales, c'est chiant, ça nous emmerde, on n'en veut pas. Donc, tout ça, on en a rien à foutre. On va pas faire de gosses. On va en faire un, on va en faire deux, bon, on va bricoler, plus ou moins. Puis voilà. Et il n'y a pas de conséquences, a priori. Mais en fait, les conséquences, tu les vois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le nombre de gens qu'il faut pour mettre le système de retraite à flot, pour que ces gens-là aient la libido qu'ils espéraient avoir, et les mêmes nous font rentrer, précisément à partir des années 80-90 en masse, des quantités de nègres et de bougnoules, en nous culpabilisant, en nous disant que d'abord nous sommes racistes, ça c'est l'argument massu, ça. Vous êtes racistes, comment, etc. Disqualification immédiate. Et puis ensuite l'argument économiste. Mais comment va-t-on payer nos retraites ? T'sais, il vous dit ça comme ça. Comment va-t-on payer nos retraites ? Toi, tu te dis, je sais pas, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 37 ans, 42 ans. Ma retraite, j'ai l'impression que je vais pas la toucher. Mais il dit nos retraites. C'est effectivement le cas. Bien sûr, c'est évident. Oui, c'est pas qu'une impression. Hein. Oui, oui. Tout blanc qui a moins de 30 ans, c'est que la retraite, il devra se la constituer lui-même. Hein, sinon, il mourra au travail. Je suis pas sûr qu'il le sache, ça. Hein. À mon avis, je pense que... Il n'y a pas suffisamment de blancs qui le savent, à mon avis. Bah, parce que sinon, assez... il paierait plus. Ça devrait effectivement être répété tous les jours. Quoi, hein, parce que, voilà. Bon, c'est, alors, alors, la CGT, Force ouvrière, toutes ces structures, machin, nos retraites, nos ou vos, ce n'est pas la même chose. Les jeunes, aujourd'hui, triment, payent, vont payer et sont identifiés comme des victimes, des esclaves, devant payer pour ce système qui a été mis en place de retraite par répartition, pour permettre aux baby-boomers de survivre encore 20 ou 30 ans. Et les types sont tellement cyniques et impitoyables qu'ils ont fait rentrer tous les bougnoules pour maintenir la pyramide des âges, simplement parce qu'ils ont refusé de baiser et de faire des gosses. En gros. Donc moi, c'est juste totalement utopiste, hein, puisque évidemment, les populations qu'on fait rentrer cotisent très peu, parce que soit elles sont, elles vivent directement d'allocations, mais en fait, le pire, c'est qu'elles ne contribuent pas au système, parce qu'elles payent très peu d'impôts, et en fait, si tu veux, les contributions qu'elles touchent, les aides sociales et compagnie, les allocations sous différentes formes, c'est juste la face, émergée de l'iceberg. Puisque la face immergée, c'est juste que ces populations ne rapportent absolument rien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, oui, mais c'est-à-dire que tu as quand même, à la fin du mois, il y a juste ce qu'il faut pour payer les retraites, même si derrière, tu t'endettes deux fois plus. Mais ouais, ça, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de s'endetter deux fois plus, parce que c'est gratuit, c'est l'État qui paye, c'est-à-dire c'est les jeunes. Tant que ça marche, tant que ça pète pas, bah, c'est tout bénef. Ils se sont achetés, attends, faut voir quand même qu'ils se sont achetés les apparts, enfin, toute la propriété privée en France, ça a été raflé par cette génération-là, qui a eu des prix absolument super faibles, des taux de crédit. Ben voilà, ils ont payé des apparts, des maisons pour trois fois rien. Et maintenant, nous, on arrive là, on doit payer leur retraite de ministre, parce que, bon, attention, hein, le système de retraite en France, voilà, c'est pas dégueu, quoi, hein, ils partent pas. T'as pas des plafonnements, des trucs comme ça. Non, on doit leur payer leur bien-être. Ils ont tout le capital. Et nous, on a des... on est envahi de nègres et d'arabes en tout genre. Et on se tape des salaires de merde. Voilà, et puis en plus, par-dessus, il faut qu'on se paye les impôts pour nourrir le troupeau d'Africains. Et tu dois leur dire merci. Oui, bah, il faut dire merci. Vous nous avez beaucoup apporté. Et tu dois écouter Daniel Cohn-Bendit te faire la leçon sur Europe 1. Voilà, Daniel Cohn-Bendit qui s'est reconverti en animateur radio. Voilà, c'est non, mais je sais pas si vous imaginez la perte. C'est obscène. C'est hallucinant, je veux dire, cette génération. Ces gens, c'est-à-dire que jusqu'au tombeau, ils feront le procès d'autrui, quoi. Ouais, Sauf le leur, évidemment, ça n'arrivera jamais, ça. Mais de tout le monde, ils ont fait le procès de leurs parents. Et puis, non, mais en plus, on peut même pas espérer la canicule parce qu'ils ont la clim, hein. Mais bien évidemment. Et alors, comment dirais-je ? Et on est face à un cataclysme racial énorme avec l'Afrique. J'ai dit 800 millions d'habitants supplémentaires. Moi, 10 millions Algérie juste sur les 13 prochaines années. Colossal. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Et quand on a recontextualisé donc cette histoire de l'avortement. Ah, j'ai pas dit que c'est la seule motivation, parce que la question de la dénatalité. Évidemment, il n'y a pas que l'avortement. Il y a la question de la fiscalité qu'on a commencé à aborder. La pression fiscale énorme sur les foyers, énorme, les jeunes foyers. Voilà, en France, c'est énorme. Après, peut-être dans d'autres pays européens, c'est peut-être un peu moins le cas. Mais en France, les impôts, c'est un truc de dingue. C'est énorme. Et la stratégie qu'ils ont adoptée, pour resquiller en faisant passer des Mohamed et des Mamadou en espérant que ça fera l'affaire au détriment des générations suivantes. Je sais pas si vous aimez, il n'y a pas d'équivalent dans toute l'histoire de France, dans toute l'histoire de l'Europe, d'une génération aussi criminelle, odieuse, infecte. Je crois pas qu'il y ait d'équivalent. Non, ça n'existe pas. Et là, alors c'est Chronos qui mange ses enfants. Là, c'est ça. C'est le tableau, mais en version géante, quoi, et un peu partout dans les pays européens, quoi, en fait. Et alors là-dessus, on se dirait, bon, est-ce qu'il va y avoir une force politique qui va avoir le courage de prendre la défense bah, de ceux que... Bah, moi, enfin, on essaie sur cette émission d'en prendre la défense. On est de leur génération aussi, je veux dire. Moi, je suis un trentenaire. La plupart d'entre nous sont des trentenaires, mais on a aussi des vingtenaires. En fait, c'est simplement la génération suivante. Mais même moi, c'est pas mon sort qui m'intéresse. Mon sort, je l'ai fait une croix dessus. Mais c'est plus la génération d'après qui m'intéresse. Donc c'est très paradoxal parce que la génération à laquelle on appartient, enfin celle qui nous a engendré, quand même, parce que malgré tout, ils ont quand même fait quelques gosses. Et je dis bien, c'est dans les grandes lignes, hein. Je veux dire, il y aura toujours des gens de 70 ans qui sont très corrects, qui ont eu des familles nombreuses, etc., qui pensaient bien. Il n'y a pas de problème, on s'entend bien. Il y a toujours des gens qui ne sont pas comme ça, bien sûr. C'est dans les très grandes lignes, c'est des généralisations. Mais l'idée, c'est quand même de défendre surtout le futur. Donc, notre génération, bon, advienne que pourra, mais la génération d'après, dans le chaos racial qu'on connaît. On se dirait, bon, il va y avoir une force politique qui va proposer quelque chose. Alors, je vous livre les réactions politiques. Il y en a qui ne sont pas du tout surprenantes et qui corroborent même ce qu'on dit. Danielle Obono, la députée de la France Insoumise de Mélenchon, a rendu hommage à Simone Veil, donc l'avorteuse. C'est pas étonnant, mais voici ce qu'elle dit. Simone Veil restera une figure du féminisme et une très grande dame. Respect et gratitude, le combat pour les droits des femmes continue. Bon, on a compris que pour Danielle Obono, la Gabonaise, il s'agit de continuer le génocide des Blancs, d'assassiner les Français. Voilà, le truc est clair, il faut décrypter, mais la chose est entendue. Ça commence à devenir compliqué avec l'Église catholique, puisqu'officiellement l'Église catholique condamne l'avortement, c'est un interdit absolu. Voici ce que disent en fait les évêques français, ce ramassis de communistes était. Je fais court parce qu'on n'est pas là pour perdre son temps. Nous saluons sa stature de femme d'État, sa volonté de bâtir une Europe fraternelle, sa conviction que l'avortement a toujours été un drame. Alors, sa conviction à Simone Veil que l'avortement a toujours été un drame. Alors ça, c'est la façon de dire. Ça, c'est du Bernard-Henri Lévy. Attends, c'est du Bernard-Henri Lévy, ça. C'est la guerre sans l'aimer. Non. Enculé, c'est important que tu reviennes là-dessus parce qu'il y a une frange de la mouvance entre guillemets nationaliste française. Qui rappelle que Simone Veil a manifesté pendant la manif contre oui. Le PD, hein, la dite manif pour tous. Et effectivement, Simone Veil a... Enfin, faut quand même se mettre dans le contexte des années 70, c'est-à-dire que l'avortement, il se faisait en fait, hein, il se faisait évidemment avant la loi Veil, mais c'était un avortement honteux, voire dangereux. Donc, ce qui est vrai, hein, globalement, mais heureusement qu'il était honteux. On aurait pu faire en sorte qu'il ne soit plus dangereux. Tu vois ? C'est-à-dire que bah, il est honteux, donc on ne le fait plus, et il devient moins dangereux parce que on continue de le pénaliser, voire de le criminaliser. Là, ça aurait été faire en sorte qu'il soit moins dangereux. Parce que c'est ça, hein. L'avortement, quand il a été mis. Enfin, la loi Veil, je crois qu'il y a une autre loi avant qui date de 72. Il y a une autre loi, et quand ça a été mis en place, en fait, c'est-à-dire on va arrêter la politique de la couverture, en fait, de voir, enfin, faire semblant de ne pas voir quelque chose qu'on sait tous, et on va mettre les avorteuses, en fait, qui perçaient les fœtus avec des aiguilles à tricoter. Ces femmes-là qu'on mettait en prison, évidemment, heureusement, ce qu'on appelait les faiseuses d'ange, je crois, ces filles-là, on va arrêter de les mettre en prison, et puis on va mettre les femmes, on va les faire avorter dans des cliniques, dans des hôpitaux. Ça n'a pas été la bonne solution. Totalement, bien sûr. C'est-à-dire que c'était juste une considération, au final, hygiéniste qui... Voilà. À la base, oui, non, mais elle a souvent dit, Simone Veil, alors, je ne vais pas prendre sa défense, hein, mais elle a dit l'avortement reste un échec et c'est souvent un drame. Enfin, elle a une phrase comme ça qui est répétée par, Mais qui est typiquement une encule hébraïque. Ben oui, c'est-à-dire, c'est pas en légalisant que tu vas réduire la pratique. Si ça avait été légalisé, admettons, dans des cas extrêmes comme le viol avéré ou des choses comme ça, était légalisé dans des cas extrêmement restreints pour éviter à des femmes qui étaient déjà peut-être des victimes de, en plus, avoir... Bon, pourquoi pas, admettons, mais que ça soit légalisé de façon... voilà quoi, d'un coup d'un seul, pour n'importe quelle femme qui décide, pour X raisons qu'elle n'a pas, qui n'a pas à se justifier d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est sa décision personnelle, individuelle, etc. Personne n'a de droit de regard en fait sur cette décision, puisque voilà, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut avec son corps, n'est-ce pas? Légaliser ça, c'est quand même du gros foutage de gueule, hein, on peut le dire. Fulbert. Oui, je voudrais bien revenir un tout petit peu en arrière sur ce qui a été dit. Lorsque Magda va signaler la présence de la défunte, j'ai oublié son nom, à la manifestation pour tous, manifestation avait pour thème de se dresser contre le mariage homosexuel et, ce qui en découle, l'homoparentalité. Ce n'était pas contre l'avortement. Et il y a des tas de gens qui se sont mis en tête. Elle a peut-être un remords, elle a peut-être compris ce qu'elle a fait. C'est de la foutaise. Mais oui, de toute façon, je veux dire, écoutez. Tu vas pas chouiner en disant oui, mais l'avortement, c'est un drame. Et légaliser l'avortement. C'est-à-dire que tu vas pas faciliter l'avortement et ensuite dire ah ouais, mais quand même, c'est un drame. Non, écoute. Bah si, non, mais ça a été fait comme ça. Ah oui, ça a été fait comme ça. Mais j'autorise la peine de mort. Et ensuite, je fais des articles, des machins, où j'explique que c'est quand même un drame, la peine de mort. Attends, écoute. Non. Tu vois, ferme ta gueule, t'as voté la loi pour l'avortement, ça a été ton truc, et ça. Casse-toi, ferme ta bouche. Tu vois, va pas dire que c'est pas bien, que peut-être quand même quelquefois, tu vois. C'est ce que je disais avec Bernard-Henri Lévy, tu vois, il a écrit un bouquin, La guerre sans l'aimer, tu vois, le viol sans l'aimer, le meurtre sans l'aimer, l'avortement sans l'aimer, le goulag sans l'aimer, tu vois, oui, ouais, voilà, tu vois, non, c'est typiquement un truc hébraïque, tu vois, ça gicle, tu vois, l'avortement c'est un absolu, c'est comme le meurtre, c'est mal, ça ne se fait pas. Ce que je voulais dire, Gandalf, c'est que l'avortement, enfin, la loi Avel, elle a été présentée comme, on va dire, un progrès pour les femmes, parce que l'avortement qui se faisait clandestinement dans des conditions d'hygiène totalement dégueulasses a été non pas sacralisé comme il est maintenant, mais il a été toléré et médicalisé. Et on est passé de ça, de cet argument dans les années 70, à une sacralisation de l'avortement qui est un meurtre. C'est ça que je voulais dire. En fait, c'est là qu'on est au. C'est un bon point, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un des argumentaires qui est proposé. J'ai bien précisé un petit peu avant que l'État a un droit de regard absolu sur sa démographie. On le voit face à l'Afrique, etc. Nous sommes dans une situation révolutionnaire. Révolutionnaire. La France, l'Europe de l'Ouest, est colonisée massivement par des nègres, par des Africains. Nous faisons face à un djihad, notamment démographique, contre nous. C'est la réalité. Sortez dans la rue, allumez votre poste de télévision si vous en doutez. Face à ça, un État doit sonner l'alarme. Ça veut dire qu'il a tous les droits pour rétablir la situation. Mais c'est ça, c'est la problématique de l'extrême droite de circonstance, n'est-ce pas, très très moderne. Et qui se cherchent des défenseurs et des alliés pour simplement ne pas finir avec une burqa sur la tête pour pouvoir continuer à être une pute, en fait. Il y en a beaucoup, hein, et il y en a plus qu'on ne croit. Et oui, malheureusement, c'est des femmes qui te disent, alors il y en a même des plus jeunes, hein, il n'y a pas que 50-60 ans, attention, il y en a dans les milieux jeunes et vifs, n'est-ce pas, qui tournent, hein, autour des jeunes nationalistes, Et ce sont des femmes donc, qui veulent qu'on les défende hein, contre l'invasion bougnoulo, négro, islamique, je ne sais quoi. Si tu leur dis, ok, bon, bah, il va falloir défendre la race blanche, enfin la race européenne, il va falloir faire des enfants, il va falloir que tu deviennes mère, il va falloir que tu, voilà, que tu prennes ça au sérieux, alors là, il n'y a plus personne, elles partent en courant, elles veulent garder leur petit travail, leur petite carrière, dans laquelle elles ne servent à rien, parce qu'excusez-moi, les femmes au travail, mais c'est une blague, tout le monde le sait, et les femmes en premier lieu qui travaillent dans des milieux avec d'autres femmes, hein, qui savent très bien comment, en quoi se transforme le milieu de l'entreprise quand il est peuplé par des femmes, c'est de notoriété publique, et c'est ridicule qu'on prenne encore ça au sérieux. On sait très bien que dans tous les métiers un petit peu lourds, un petit peu difficiles, que ce soit les métiers comme la police, les pompiers, etc., etc., les femmes n'existent presque pas, et quand elles existent, il y a des barèmes différents pour qu'elles arrivent à rentrer, parce qu'on sait très bien que de toute façon, elles n'arrivent pas à suivre au niveau physique, etc., etc. Donc pour préserver le mensonge qu'elles sont productives au travail, ce qui est un mensonge, je veux dire, on ne peut pas bâtir un pays avec simplement des assistantes sociales et des institutrices. Je veux dire, il faut autre chose à un moment. Hein, voilà, il y a quelques milieux dans lesquels les femmes peuvent exercer où ça n'est pas complètement débile, mais c'est quand même très très restreint. Et donc ces femmes-là, pour préserver leur semblant, leur fausse carrière, dans lequel elles existent probablement seulement pour pénaliser un homme plus qualifié potentiellement, eh bien, il va falloir effectivement se faire transpercer par des bougnoules pour prouver que voilà, on peut sauvegarder leur style de vie de merde et jamais, à aucun moment, elles n'accepteraient de devenir mère, d'avoir des enfants, encore moins plusieurs, et de s'en occuper et d'être comment dire, respectueuses vis-à-vis de leur mari, etc., etc. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne comprennent pas qu'en fait, on ne lutte pas contre une invasion migratoire et un effondrement démographique en continuant à faire la pétasse. Et ça ne suffit pas. Voilà, ce n'est pas, ça ne s'arrête pas là. Et on en a beaucoup, des gens comme ça, hein, dans le milieu nationaliste, n'est-ce pas ? Avant de donner la parole à Porovitch et à Fulbert, moi, avec l'affaire Simone Veil, le décès de Simone Veil, je l'ai vu, c'est des patriotes, des électrices du Front National, machin. Oui, mais comment ? Mais je... c'est de la blague. On en revient au problème numéro un, c'est-à-dire que les femmes en politique, non. Non. C'est toujours du moi-je, du truc sectoriel, voilà, alors comment je vais voir. Quand on est vraiment sérieux politiquement et qu'on arrive dans le dur et qu'on dit, voilà, non, en fait, une société pour qu'elle fonctionne, il y a des règles élémentaires, incontournables, qui ne peuvent pas être remises en cause, sinon toute la boutique va s'effondrer, quand vous les mettez en avant... tout de suite, vous avez ces soi-disant nationalistes, etc., ou électrices, machin, qui se dressent droit contre vous. Et on a l'argument, maintenant, de plus en plus, l'argumentaire, oui, mais en fait, vous êtes des salafistes. C'est-à-dire qu'en fait, que quand tu dis, moi, je défends la France des années 50, enfin, jusque la France, jusque dans les années 50, ça compte quand même, hein, je veux dire, ça fait 3 millénaires jusque dans les années 50, quand même. Ils vous disent, mais t'as rien compris. T'as rien compris, t'es con comme un manche, tu connais rien, etc. Moi, Front National, Marine Le Pen, Philippot, quoi, en gros, quoi. Et vive les PD, vive les machins, etc. On est au cœur de la décadence, et ça, il faut s'adresser à cette question-là frontalement. Il ne faut pas faire de cadeaux. Et la question de l'avortement, à la faveur de la disparition de Simone Veil, comme on dit, eh ben, elle doit être posée clairement, quoi. Alors, Fulbert voulait intervenir, ensuite Porovitch. Oui, en fait, j'avais demandé l'intervention, c'était pour préciser l'histoire de la manif là, contre l'homoparentalité et le mariage homosexuel. J'en profite, j'avais oublié de faire remarquer une petite chose liée à cela, c'est que la présence de la défunte Simone Veil elle se justifie parce que les juifs, les plus radicaux et beaucoup d'autres sont férocement anti-homosexuel. Et il n'y a que cela qui justifiait sa présence dans cette fameuse manifestation. Alors, j'ai un petit truc avant de donner la parole à Porovitch. Il faut savoir que lors de la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, je crois que c'était les 60 ans, à vérifier, 60 ans, 65 ans, je crois les 60 ans, du camp d'Auschwitz, en présence d'une délégation internationale, dont Vladimir Poutine, les rabbins présents se sont opposés à la présence de Simone Veil, en raison de son rôle dans la... Comment dire, Dans la machine avorteuse. Avorter, voilà. Question morale, les rabbins vraiment en ligne avec la religion juive ont dit possible qu'on soit à côté de gens qui promeuvent. Ça a créé un pataquès diplomatique. Hein. Alors ils ont réussi quand même à l'imposer l'avorteuse, mais non sans difficulté. Hein. C'est les rabbins américains, je précise. Porovitch. Oui, je voulais revenir sur cette catégorie un peu de femmes à soixantenaire qui nous font chier, etc. Et pas que soixantenaire d'ailleurs. Je crois qu'il y a une caractéristique que vous n'avez pas donnée, c'est que ces personnes-là sont vraiment imperméables à toute forme de sens des responsabilités. C'est vraiment, pour moi, ce qui les caractérise le plus. Donc ces gens-là, ils n'évoluent pas de conséquences à leurs actes. Et d'ailleurs, quand certains essayent de faire de la réinformation sur notamment l'avortement et les conséquences négatives possibles de l'avortement, on voit beaucoup de réactions hystériques pour nier, justement, qu'il pourrait quand même y avoir des conséquences négatives. Hein, et c'est ça, je pense que c'est vraiment le point chez ces gens-là. C'est l'absence totale de sens des responsabilités. Ouais, on en revient un peu toujours au même. Alors, dans les réactions... J'avais parlé de Daniel Obono, quand on a parlé abondamment la semaine dernière. Alors, qui donc était extatique, évidemment, sur Simone Veil, voilà, hein, bon, vous savez pourquoi. Mais Marine Le Pen, elle a salué Simone Veil, elle a dit « Une femme qui aura marqué de son empreinte la vie politique française avec des titres ronflants, des remarques, etc. » Donc, Marine Le Pen, extatique devant Simone Veil. Tu t'attendais à autre chose de la Non, part je m'attendais pas, mais je tiens à le préciser. D'une femme qui était allée chialer lorsque le monsieur madame du policier là assassiné oui. Disait gna. Mais bon, je vous n'aurez pas ma haine et compagnie. Donc voilà, en pleurs. Marine Le Pen en pleurs. Voilà, cette femme est devant les PD. Donc, Ouais, mais je sais bien sûr, mais ça confirme là donc à la tête de la décadence, du déclin, de l'effondrement, Marine Le Pen que d'aucuns voudraient présenter comme une espèce de planche de salut. Ouais. Je la vois plus comme une planche de perdition qu'autre chose. Alors, mais attention, il y a pas que j'ai parlé de l'Église catholique, j'ai parlé de Florian Philippot. Voilà. Évidemment, là vous allez me dire, c'est entendu. Une immortelle, une intelligence est partie. Penser pour sa famille et ses proches. Oh là là. Avant de demander son transfert au Panthéon. Ah oui, ah oui. Non mais l'extrême droite 2017, c'est quand même sympa. Quoi. Voilà, alors je précise, je suis totalement pour l'entrée de Simone Veil au Panthéon. J'ai l'occasion de le dire. Je trouve que le Panthéon s'y prête formidablement bien, puisque c'est là où la République entasse ses ordures. Donc, je trouve que, effectivement, Simone Veil a toute sa place au Panthéon, en attendant d'ailleurs, comme, et j'en ai fait aussi une allusion récemment, en attendant que, comme dans la nécropole des rois de France, envahie par les sans-culottes et profanée par les sans-culottes, soit finalement le théâtre du blasphème ultime, en 1793, le Panthéon soit lui-même envahi par des nègres, des migrants, des bougnoules, des demi-djihadistes qui iront chier sur la tombe des grandes figures de cette république coupeuse de tête. Ça viendra, ça arrivera, et je dis, oui, Simone Veil, l'avorteuse, 8 millions de morts, a toute sa place au Panthéon, je suis pour. Philippot, d'ailleurs, devrait y aller de son vivant, je présume d'ailleurs comme tapin, ou vide poubelle, je ne sais pas, il y a quelque chose à creuser. Et alors enfin, alors là, je trouve ça extraordinaire, les identitaires, que je n'attendais pas sur ce créneau-là, mais enfin bon, je ne les attendais pas à ce point-là sur ce créneau-là, mais les voici. Damien Rieux. Honneur à Simone Veil et ses combats. Puisse son courage inspirer les femmes d'aujourd'hui. Avec une photo en arrière-fond sur le poste fait par un des meneurs des identitaires, Simone Veil devant l'entrée d'Auschwitz. Ah, tu sens les identitaires durs, quoi. Là, les mecs... Non, mais je sais pas si vous imaginez. Cette salope a fait tuer 8,5 millions par sa législation d'enfants, pour l'essentiel, de jeunes Français. Pour qu'ensuite, on nous dise de ramener des Africains. Aussi. Non, mais attendez, le pire est dans le même temps. Décret de 1976, motivé par Simone Veil, au sujet de la, comment dirais-je, du regroupement familial. C'est-à-dire que pendant qu'elle faisait tuer 200 000 Français dans le sein de leur mère, elle en faisait venir 200 000 dans l'autre sens, depuis l'Afrique. Je tombe là sur un article de la Chambre de commerce franco-israélienne à propos de Simone Veil. Hein. Donc je cite, « Très peu de personnes le savent. Elle avait signé lors de son passage au ministère de la Santé un accord franco-israélien de don d'organes. En effet, Israël manquait cruellement de donneurs. Enfin, les juifs ne donnent pas d'organes, il faut le savoir, c'est contre leur religion. Cet accord réel, appliqué avec très grande discrétion, a permis à de nombreux Israéliens de rester en vie. Comme c'est merveilleux. Moi, donc en fait, ils donnent pas d'organes, mais ils doivent recevoir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça vient de chez nous. C'est le goy, quoi, tu vois, c'est l'espèce de vache à lait. Alors, le bétail. Alors, ça fera cogiter nos amis qui nous écoutent. Voici ce que dit. Alors, voici un témoignage qui est irréprochable. Il vient d'Alain Finkielkraut, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, président de l'honneur de la LICRA. Donc, on ne peut pas soupçonner d'antisémitisme, par évidence. Je vous le lis dans l'Express. Jeudi 23 septembre, minuit et demi. Mardi matin, j'ai pris mon petit déjeuner au Sofitel de Strasbourg en compagnie de Finkielkraut, qui rentrait directement à Paris. Je ne sais comment la conversation est tombée. Ah si, je lui parlais du journal 2009, dont je suis en train de mettre au point la copie et dont je n'eusse pas été étonné que certaines parties fussent censurées, sur Valérie Giscard d'Estaing. Je lui rapportais les propos que m'a tenus l'an dernier l'ancien président et selon lesquels le dogme de l'inexistence des races a été proclamé pour faire plaisir aux juifs, qui devenaient nerveux dans les années 70. D'après Finkielkraut, la nécessité de faire plaisir aux juifs serait très présente dans l'esprit de Giscard, car le même Giscard lui aurait dit, à lui, Finkielkraut, qu'il interrogeait sur le regroupement familial, que cette mesure avait été prise pour faire plaisir à Simone Veil. Ok. Voilà. Donc, décret signé en 1976, l'avortement, comme mentionné, 75. Donc, la cohérence est totale. Ouais, ils sont derrière une sale youtrace d'un côté fait mourir des bébés français et puis de l'autre nous importe des bougnoules dans tous les sens. Rappelez quand même. On ne sait quelle force mystérieuse, le jour de la Saint-Adolphe. Donc, voilà. Mais je voudrais. Encore voudrais juste... un complot antisémite. Oui, certainement. Je voudrais juste rebondir. Je vois que Damien Rieu, là, sur Twitter, il a publié une carte du statut légal de l'avortement, avec d'un côté donc, l'hémisphère nord, voilà, où l'avortement est très largement légalisé, et de l'autre côté, l'hémisphère sud, où il est très largement interdit. Et il a l'air de se féliciter d'appartenir en fait au monde libre, tu vois, au monde un peu, voilà, quelque part, le progrès, la civilisation, etc. Et je me demande, peut-être je me trompe, mais est-ce que par hasard Damien Rieu ne serait pas une grosse tarlouze ? C'est-à-dire que si tu mets la carte effectivement avec le fond de carte des pays où les PD ont le droit de faire tout et n'importe quoi et les PD se voient en prison et compagnie, c'est à peu près pareil. Mais est-ce que c'est pour autant une bonne chose, quoi ? Écoutez, attendez, vous prenez la carte du mariage homosexuel, la carte de l'hiver démographique et la carte de l'avortement, il y a peut-être des corrélations. Non, arrête, tu crois pas. Peut-être pas systématiquement, mais il y a des tendances, à mon avis. Et curieusement, dans le monde africain, le monde musulman, il y a un bouillonnement démographique, il y a des émigrations, voilà. Ouais, bah, c'est-à-dire que sacraliser le corps de la femme quand, si tu veux, la conséquence première de la contraception et de l'avortement, c'est qu'elles peuvent se taper toute une équipe de foot sans avoir à enfanter. Bon, voilà. Hein, pas sûr que ça soit une sacralisation particulièrement intéressante. Chacun son truc. Bon, bah, on se sépare. Je vous dis à la semaine prochaine, chers amis. Salut. Ouais. Salut. À la semaine prochaine.